bienvenue à la bibliothèque. Merci d'être venu pour cette rencontre autour des nouvelles revues autour de la bande dessinée ou sur la bande dessinée qui a lieu dans le cadre du séminaire La bande dessinée en question qui est organisé par Pascal Robert qui est à mes côtés, qui est professeur à l'École nationale supérieure des bibliothèques de Villeurbanne et qui a lancé un séminaire depuis quelques années dont il nous dira quelques mots. Donc la rencontre de ce soir va traiter de ce phénomène assez étonnant, ou peut-être pas, on va voir, de l'apparition quasiment simultanée de quatre revues sur la bande dessinée, des revues de fond, de façon générale, et assez luxueuses, sur papier, c'est à noter, parce que de nos jours, c'est quelque chose qui est devenu plutôt rare, et qui ont l'avantage, toutes mises ensemble, de couvrir tout l'éventail des styles ou des genres de bande dessinée, de la bande dessinée traditionnelle, européenne, la bande dessinée américaine avec les comics, la bande dessinée asiatique avec les mangas, et les arts dessinés de façon générale, l'illustration. Donc je vais vous présenter rapidement vos quatre invités. Si, vous m'entendez ? Non ? Oui ? Bon. La technique. Donc en partant de la droite, Vincent Bernière, qui est le rédacteur en chef des cahiers de la bande dessinée, des cahiers de la BD, de la renaissance des cahiers de la BD. À ses côtés, Frédéric Bossert, qui est le rédacteur en chef et le créateur des arts dessinés et d'autres revues dont il nous parlera certainement. À ses côtés encore, Fausto Fazulo, qui est le rédacteur en chef de Atome, la culture manga. Et enfin, Matt, qui est le rédacteur en chef de Comics Mag. Voilà, je vais passer immédiatement la parole à Pascal Robert, qui va nous présenter rapidement le séminaire. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, puisqu'un certain nombre d'entre vous sont des étudiants, en l'occurrence. Donc l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de faire un séminaire sur la bande dessinée, consacré à la bande dessinée. C'est un séminaire que je mène depuis déjà quelques années, 5-6 ans maintenant, oui, 2012, en l'occurrence. Avec l'idée que l'université doit aussi se saisir de la bande dessinée et puis l'interroger avec ses propres outils. Et puis je pense que c'est surtout pour moi l'occasion de rencontrer des gens qui font la bande dessinée. Et donc de rencontrer des auteurs, de rencontrer des éditeurs, de rencontrer des gens qui font des revues, des gens qui vendent de la bande dessinée aussi, des libraires, parce qu'ils sont très importants, les libraires. Il y a tout un réseau de librairies spécialisées. Donc c'est intéressant de rencontrer ces gens-là. Des gens qui font des festivals, la bande dessinée aussi, parce qu'il y a des festivals importants. Il y a celui d'Angoulême, il y en a un ici qui est l'un des négligeables, qui est un des grands festivals de bande dessinée. Il y en a un qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Saint-Malo, etc. Donc cette démarche, elle vise pas simplement à être un séminaire d'universitaires pour les universitaires, c'est pour ça que ce séminaire, parfois, il se tient à la BML, parfois, il se tient dans d'autres bibliothèques ou d'autres lieux. C'est pas un séminaire où les universitaires parlent aux universitaires, c'est un séminaire dans lequel les universitaires, et j'invite aussi des collègues, et notamment des jeunes collègues qui font leur thèse sur la bande dessinée. Faire une thèse sur la bande dessinée, c'est du travail, mais c'est du travail qui n'est pas forcément facilement reconnu dans le cadre universitaire, parce que faire une thèse sur la bande dessinée, ensuite, quand on cherche un poste, c'est pas du tout évident. Il y en a qui trouvent un poste sans problème, mais il y en a pour lesquels c'est difficile. C'est aussi la question de la légitimité de la bande dessinée et son étude, hein, en l'occurrence, dans le cadre universitaire, et les choses ne sont pas gagnées, parce qu'il est difficile aussi de faire des cours à propos sur la bande dessinée dans le cadre de l'université, aujourd'hui encore. Donc il y a une vraie difficulté, et c'est pour ça que j'essaie de soutenir mes jeunes collègues qui osent faire un doctorat sur la bande dessinée, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient historiens, qu'ils soient sémiologues, anthropologues, etc. Je pense qu'il faut les soutenir, c'est absolument essentiel, et que, en plus, la bande dessinée a besoin qu'on la réfléchisse, qu'on la travaille, parce que je pense qu'elle est très riche. La bande dessinée, et puis la bande dessinée au sens large, hein, j'inclus aussi les mangas et les comics, et il y a des jeunes collègues qui travaillent sur l'un comme l'autre, et je pense qu'il faut effectivement soutenir ces travaux. Voilà, donc globalement, très rapidement, un séminaire qui est ouvert à tout le monde, pas simplement aux étudiants ou aux collègues, un séminaire qui essaie d'être curieux par rapport à la fabrique de la bande dessinée, qu'est-ce que c'est que faire de la bande dessinée au sens très large, et, mais qui bien évidemment est aussi ouvert notamment aux jeunes collègues qui font des recherches sur la bande dessinée. Et je pense qu'il est important de dialoguer, par exemple, avec, comme on va le faire aujourd'hui, des gens qui proposent des revues, qui sont aussi des revues de réflexion sur la bande dessinée, qui sont d'abord des revues de réflexion sur la bande dessinée, qui certes partent de l'actualité, mais qui ne font pas que rebondir sur l'actualité, et qui posent des questions, je trouve, importantes sur la bande dessinée, et notamment, par exemple, et on y reviendra, la question du dessin, par exemple, en bande dessinée. Souvent on parle des scénarios et on parle peut-être insuffisamment du dessin, insuffisamment des dessinateurs. C'est pas forcément évident de parler de dessin. Et donc la question graphique, elle est assez souvent posée dans ces revues, et je crois qu'elle mérite vraiment d'être posée. Et donc c'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui au milieu de pas mal d'autres questions. Et donc, j'ai retrouvé un micro, merci. J'ai retrouvé la parole. Donc dans un premier temps, nous allons proposer à nos invités de se présenter, de présenter très rapidement leur parcours en une minute, on va dire. Donc on commence par Vincent Bernière. Mon parcours en une minute, c'est une gageure. Je perds déjà beaucoup de temps. Non, c'est très simple. Moi, j'ai eu la chance, par des hasards successifs, d'exercer à peu près tous les métiers dans le domaine de la librairie et dans le domaine de la presse. La seule chose que je n'ai pas faite en presse, c'est de la maquette. Je ne sais pas faire. Et je ne suis pas très très bon en fabrication. Mais sinon, j'ai commencé à travailler à l'âge de 25 ans. J'ai été libraire, représentant, éditeur pour des maisons d'édition variées. Puis, jusqu'à très récemment, j'ai créé ma propre maison d'édition. Et dans le domaine de la presse, c'est à peu près la même chose. J'ai été pigiste, secrétaire de rédaction. Je sais faire de l'iconographie, enfin bon bref, j'ai fait à peu près tous les métiers comme ça. Quand j'avais l'impression d'avoir fait le tour d'un métier, j'essayais de toucher une autre sphère de ce métier-là, jusqu'à directeur de la publication d'un journal. Voilà. Frédéric ? Je vais essayer d'être aussi bon que toi. Moi, en gros, études scientifiques à la DOI. Après, parti à l'armée. À l'armée, je rencontre quelqu'un dont le frère travaillait pour un commissaire-priseur. Je voulais faire l'étude d'histoire de l'art, je fais l'étude d'histoire de l'art et en même temps je monte des ventes aux enchères. Et puis au moment de monter les ventes aux enchères, je rencontre Olivier Maltrey qui fait Canal BD Magazine aujourd'hui, qui voulait faire une revue de bande dessinée. Ça ne résonne pas trop, ça. Et puis après, là, on a lancé DBD il y a 20 ans maintenant, c'est 20 ans en décembre 2018. Là. Et il y a 10 ans, j'ai lancé à peu près La Mancable, qui était une revue de prépublication. Alors DBD, c'est une revue sur la bande dessinée, de la formation de bande dessinée. La Mancable, c'est de la prépublication, un peu comme à suivre dans le temps. Et puis, ça fait très longtemps que moi, j'adore un petit peu tous les autres métiers qui utilisent le dessin, soit l'architecture, le dessin de presse, les costumes, le dessin animé et compagnie. Et du coup, je me suis dit, tiens, je portais un projet depuis très longtemps. Et en gros, c'est en discussion avec Jean Dufault, qui est un scénariste, qui m'a dit, fais ça avant tes 50 ans, après, tu n'auras pas l'énergie. C'était l'année de mes 50 ans. Et donc, du coup, on a lancé Les Arts Dessinés depuis décembre dernier, avec une couverture avec Jamie Hewlett, qui pour moi était le confluent entre la bande dessinée, le comics, la bande dessinée européenne. Je ne sais pas s'il a lancé une couverture jaune, vous aviez derrière. Et du coup, ouais, c'est celle qui est là d'ailleurs. Elle est là, je suis bête. Voilà. Tac. Et voilà, là on va fêter notre première année là, dans un mois. Enfin même pas, oui, début décembre. Voilà. On est en train de boucler le cinquième numéro déjà et ça se passe plutôt bien. Merci. Fausto. Moi je viens de la presse cinéma en fait. Je viens et j'y suis toujours. J'exerce chez Mad Movies, je suis rédacteur en chef de ce magazine de cinéma spécialisé depuis maintenant 12 ans. Et il y a à peu près 3 ans, j'avais cette idée effectivement de... J'étais lecteur de manga depuis très très longtemps. Je ne trouvais pas vraiment mon bonheur en fait dans les propositions qui m'étaient faites dans la presse. Donc je me suis dit, tiens, que ce serait intéressant de proposer quelque chose d'un peu différent et de manière assez égoïste, le magazine que j'aimerais lire moi. Et mon éditeur a accepté, et puis on s'est lancé dans l'aventure Atome, qui va avoir 2 ans à compter de février 2019. Et c'est un trimestriel, et on essaye de le tenir avec l'exigence, en fait, qu'on souhaite mettre dans ce magazine depuis le début. Et voilà. Merci. Matt. Moi, je suis un touche-à-tout qui fait plein de choses, des projets qui les montent et qui les abandonnent aussi vite. Je suis un lecteur de comics depuis le début des années 90 et mon vrai boulot c'est la radio, je viens de la radio en fait, ce qui n'a rien à voir, mais à côté de la radio un peu institutionnelle et pas forcément super funky pour laquelle j'étais payé, j'ai toujours fabriqué des contenus à côté qui ont été des contenus sur plein de choses, sur les métiers de la musique, sur voilà. Et puis en cherchant un nouveau projet, j'ai monté une chronique quotidienne sur les comics. L'idée c'était de parler de tous les jours en 2 minutes 30 d'un comics dispo en français qu'on peut lire sans rien connaître aux comics, de façon à parler de BD déjà aux gens, à des gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés, et en disant les gens n'entendent jamais de parler de BD dans les médias traditionnels, et donc c'était un cheval de Troie, j'utilisais les médias tradis pour leur parler de BD. De fil en aiguille, ce truc là a été diffusé sur plein de radios, c'était diffusé aussi en podcast. C'est devenu un site internet qui s'appelle lescomics.fr. J'ai fait plein de rencontres, des rédacteurs, des auteurs, des libraires. Et parmi tous ces libraires, il y a un type qui s'appelle Bertrand Lacroix, qui tient une boutique spécialisée comics et manga au Mans, qui s'appelle L'Intrépide. Et un jour, qui m'a dit, il n'existe pas de magazine pour faire lire des comics aux gens qui ne les connaissent que par le cinéma. Il faut qu'on fasse ce magazine. On a dit d'accord. Et donc, on a fait Comics Mag, qui est un magazine gratuit, qui s'adresse pas aux quelques milliers de personnes qui lisent des comics, mais aux 59 millions de personnes qui n'en lisaient pas encore. Si. Question, Pascal. Alors, justement, une question qui vous concerne tous les quatre, parce que si on a organisé cette séance de réflexion sur et autour de vos revues, c'est parce que justement on a vu émerger quatre revues à peu près au même moment, au sens large on va dire, et qui concernent la bande dessinée au sens large, la bande dessinée au sens plutôt classique européen du terme, mais aussi manga et comics. Et au fond là, je vous pose la question qu'on s'est posée nous-mêmes, peut-être que vous n'avez pas de réponse hein, après tout, mais est-ce que vous avez l'impression que comment dire, c'est un effet du hasard, ou il y a quelque chose dans l'air, mais quoi, qui expliquerait d'une certaine manière cette simultanéité ou cette proximité dans l'émergence de ces revues? Moi, j'ai deux types de réponses. Je ne sais pas si c'est partagé par mes collègues. Premièrement, ça n'a l'air de rien, mais la bande dessinée au sens large, bande dessinée, manga, comics, d'autres formes de bande dessinée avec d'autres appellations, enfin, je veux dire, mondialement, connaît selon moi un nouvel âge d'or depuis, disons, les années 90, peut-être le milieu des années 90. La production s'est considérablement développée, la médiatisation, l'exposition, les études, l'université, la librairie, c'est vraiment, en termes de création également, je pense qu'on est tous à peu près les représentants de cette forme d'engouement. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard complètement. Ensuite, nous sommes tous des gens qui travaillons dans la presse, qui sommes diffusés en kiosque. On parlera certainement des types de diffusion plus tard, parce que c'est très important. Et là, on entre dans une forme d'industrie, je ne parle pas d'édition ni de livres, qui est quand même très particulière, et où on voit, si vous lisez les journaux, enfin dans les pages médias, sans cesse, une vraie crise de la presse, de l'édition papier, de l'édition de magazines, etc. Et je pense que là, pour le coup, le fait qu'on se soit lancé tous les quatre, d'ailleurs le petit résumé de nos parcours le montre bien, on est tous des passionnés. Je veux dire que, industriellement, les Grazia, les Elle, les News, l'Obs, l'Express sont en train de tomber parce que je pense qu'ils manquent d'incarnation encore maintenant. Et nous, je pense qu'on a réussi avec un certain succès jusqu'à présent, en tout cas on continue à vivre, parce qu'on est des gens passionnés. Et peut-être que, paradoxalement, si la bande dessinée a pu comme ça pendant des années passer un peu en dessous des radars, on en est aussi l'incarnation. Je veux dire que nous, moi personnellement, je n'ai pas appris à la presse à l'école. Frédéric, je ne suis pas certain. Mes collègues, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles on est arrivés tous les quatre, effectivement, à peu près au même moment. Moi, je n'ai pas une explication particulière. Non, à part, c'est vrai que tout petit, j'ai toujours aimé aller en presse, donc Donc c'est vrai qu'après c'était pas un... enfin on était un... voilà, moi c'était pas un métier, mon père était scientifique, donc c'était genre réussis ta vie d'abord. Et puis voilà, à un moment donné, le plaisir d'avoir du papier, de commander des trucs, de rencontrer des gens. Enfin moi c'est plutôt la... ouais, on va dire entre la passion et la curiosité de... C'est vrai que quand j'étais ici à Lyon, j'allais à Brignais, il y avait un festival, à Sierre. Du coup, c'est vrai que je voyais tellement les auteurs qui croyaient que je faisais partie de la maison. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait l'envie d'échanger ce qu'on rencontrait. Quoi. C'est vrai qu'on a, enfin, on a une vie assez formidable, l'air de rien. Moi, je sais pas, hier, j'ai rencontré Quentin Bleck, qui est un des monstres de l'illustration jeunesse. J'aurais jamais rencontré. La semaine dernière, j'ai rencontré Tommy Gera. Donc c'est vrai qu'en bande dessinée, voilà, des ZEP et compagnie, sont devenus peut-être pas des amis, enfin, on va dire des gens avec qui on a des vraies relations. Et donc c'est vrai qu'il y avait ce souci de partage. Quoi. Moi, après, le souci de partage sur Internet, j'en ai pas du tout de plaisir. Par contre, c'est vrai que faire un papier, aller voir un maquettiste, discuter, voir les photos qu'on va mettre, les images, discuter avec les auteurs, ça, c'est un vrai plaisir. Et ça, on l'a que par le papier. Donc déjà, il y a l'envie de faire du papier parce que j'aimais ça avant, et puis le plaisir de sortir ça tous les trimestres. Donc voilà. Après, donc, le fait qu'on arrive tous en même temps, je pense qu'il n'y a pas de logique, puisqu'on n'est pas du tout le même âge, donc on ne peut pas dire, tiens, on est la génération enfant du rock, ou je ne sais pas quoi, on voulait faire de la BD comme Metal Hurlant. Je pense qu'il y a le plaisir de enfin, peut-être ils me diront une autre opinion, mais de sortir quelque chose qui... on a envie de puis d'avoir quelque chose dans les mains. Enfin, je sais pas, quand vous allez voir un auteur et vous dites je fais un site internet, je pense que les trois quarts du temps ils l'ont pas regardé, alors qu'une revue on la pose sur une table, c'est quand même autre chose. Enfin, on a, alors c'est peut-être très mégalo de dire on laisse une trace ou je sais pas quoi. Enfin, moi je travaille pas dans ce sens-là, mais il y a le plaisir de partager, d'avoir un truc dans les mains surtout. C'est vrai que c'est assez difficile en fait de recontextualiser une démarche personnelle dans quelque chose de beaucoup plus large. Ce qui est en tout cas assez sûr aujourd'hui, c'est que je pense que la spécialisation, parfois même la surspécialisation, c'est un petit peu la clé pour pouvoir survivre dans la presse. Et cette spécialisation-là, elle s'accompagne aussi d'une forme assez exigeante. On le voit aujourd'hui avec les revues qui sont présentées, qui sont toutes effectivement très belles. Et je pense que ce repositionnement-là, avec... des produits entre guillemets assez haut de gamme, permet à la fois de donner l'écrin idéal à un art qui n'a pas forcément par le passé bénéficié d'une exposition aussi esthétique, et en même temps de retomber sur ses pattes d'un point de vue économique, puisque ce sont toutes, à l'exception de Comics Mag qui est un gratuit, mais ce sont toutes des revues assez chères qui s'adressent donc à un public qui peut se les acheter. Et si on pouvait les proposer un peu moins cher, si les coûts de fabrication étaient moins chers, je pense qu'on le ferait tous. Mais là, en l'occurrence, pour pouvoir faire exister ce type de proposition éditoriale, c'est vraiment, je pense, la stratégie idéale. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas s'il est partagé, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a façonné Atome. C'est pas cher, hein. Je te coupe, mais c'est pas cher, les revues qu'on... Ah, non, mais déjà... Pardon, je pensais que tu parlais de la fabrication, en fait, parce que à ce moment-là, je voulais te demander tes adresses. Non, mais c'est cher vis-à-vis d'un Voici que tu vends 2 euros, 3 euros. Enfin, voilà, ça, je veux dire, quelqu'un qui rentre dans un kiosque qui va payer 15 euros, son panier moyen, s'il est de 20 euros, c'est-à-dire qu'il a acheté un journal à 3 et 5, enfin, je veux dire, psychologiquement. Après, divisé par 3, ça fait 5 euros par mois, mais dans l'absolu, c'est 15 euros. C'est compliqué de déterminer la valeur d'une marchandise. Il y a des gens qui ont fait des tests là-dessus. Un des premiers d'entre eux, c'est Karl Marx, hein, par exemple. Mais la valeur d'une marchandise, la valeur de travail, c'est compliqué à déterminer. J'entends parfois que les cahiers de la BD, par exemple, qui sont à 12,50 pour 204 pages en quadricromie, sont chers. Enfin, je peux comprendre. En réalité, je pense que ça les vaut. Je suis pas certain que ça vaille plus. Mais à mon avis, ça devrait valoir plus si vous intégrez tous les frais de fabrication, tous les frais qui sont liés à ce journal. Ça devrait valoir plus. Roland Topor disait que quand on achetait un livre, par exemple, maintenant, je ne sais plus quelle était la valeur qu'il utilisait, lui, ça devait être des francs, mais enfin, quand vous achetez un livre 20 euros, par exemple, un roman, le dernier livre de Laetitia Hallyday, celui d'Éric Zemmour ou de Gérard Noiriel, c'est 20 euros, 23 euros, 24 euros pour un livre gris. Et quand on va au restaurant, dans un restaurant qui n'est pas forcément donné, c'est 20 euros. Et puis on ne sort pas du restaurant en disant « Ah là, c'était cher » et tout ça. Non, juste, on s'est alimenté. Alors, j'admets que lire ou s'alimenter, ce n'est pas forcément le même besoin humain. mais je ne crois pas que ce soit forcément cher. Par contre, je souscris entièrement à ce qu'a dit Fausto, c'est que il faut être en presse, en tout cas, c'est mieux d'être leader sur un marché de niche, on va dire. C'est ce que tu as dit un peu dans d'autres termes, mais ça, c'est absolument vrai. Autre chose, on est imprimé sur du papier, donc les écrans sont partout, je ne vous apprends rien, donc on doit avoir une vraie plus-value. Il est difficilement possible d'avoir la même qualité de lecture, que ce soit sur les formats ou sur l'écriture, l'iconographie, ou ce qu'on raconte structurellement à l'intérieur d'un journal. C'est très difficile d'avoir la même chose sur Internet. Et en plus, avec les 12,50, ou je ne sais plus quels sont les prix de mes concurrents, mais on a une sortie papier qu'on peut emporter partout et qu'on peut archiver très facilement. Donc, je veux dire, chaque chose a un prix, sans doute, mais moi, je trouve ça pas si sûr que ça. Peut-être Atom un peu. Parce que tu as moins de pages, toi, je crois. On est moins cher aussi. 7,90, non ? 9,90. Matt, un commentaire ? Oui, je sais pas. Je viens pas du tout des métiers du livre. J'ai pas du tout cette réflexion économique. J'ai pas du tout suivi l'évolution du magazine. Je venais pas du tout de là. Et du coup, j'ai pas vos contraintes en fait. Donc, j'ai pas d'avis par rapport à ça. Le seul truc, on parlait de l'émergence de ces de la BD. Il y a une sorte d'âge. Je sais plus qui a dit ça. J'ai entendu. Il y a un âge d'or à partir de la fin des années 90 ou ce genre de choses. Ça coïncide avec plein de trucs qui arrive en même temps. Les années 90, c'est tout bête, mais c'est aussi l'arrivée des mangas papier en France. C'est l'émergence des comics, où il se passe plein de choses. Il y a les premiers films de la vague comics, avec Blade, qui doit être en 98. Et puis après, ça enchaîne sur Spider-Man, sur les X-Men, sur trop grand nombre de blockbusters qu'on a tous les ans. Ça vient aussi avec l'émergence d'Internet, où finalement, tout le monde prend la parole. Et tout le monde peut s'improviser rédacteur et jouer à être rédacteur. Et autant on peut ouvrir un blog et écrire des banalités sans nom, autant on peut aussi être dans un job tout à fait classique et se révéler et se découvrir une vocation et qu'on a pu prendre la parole et du coup se révéler rédacteur, se faire repérer par un éditeur ou alors, comme ça a été plutôt mon cas, essayer de donner le droit de prendre la parole en fait. Et c'est devenu quelque chose qui est industrialisé. Il y a même des sites aujourd'hui comme je pense à Sens Critique par exemple qui explique à tout le monde qu'on a tous un avis intéressant et qu'on peut tous le publier. Spoiler, c'est faux, il y a plein de choses pas intéressantes, mais il y a une sorte de les technologies permettent aux gens de parler de plein de trucs. Et le dernier truc, c'est que moi je suis né en 1980, donc j'avais 15 ans au milieu des années 90 et on ne savait pas qui étaient les gens qui lisaient du manga ou des comics autour de nous. Et on découvrait à la fin de l'année de 3e que le mec avec qui on était en 5e et qu'on connaît depuis 3 ans, finalement, il avait les mêmes passions que nous, mais on n'en avait jamais parlé parce que ça faisait partie de... Enfin, c'est pas les trucs dont on parlait, c'est pas une passion honteuse, mais c'était pas un sujet de conversation. Et aujourd'hui, on sait quand même... On a beaucoup plus d'outils pour s'organiser, se retrouver, se découvrir des passions communes et faire partager, finalement, toutes ces passions. Ça fera pas de vous des rédacteurs professionnels, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas du tout dans le... J'ai pas votre regard sur les contraintes économiques de tout ça, mais il y a plein de façons de prendre la parole sur des sujets qui étaient des sujets de niche. Et donc, il y a plein de gens qui vont prendre la parole sur des sujets de niche, et plein de gens qui vont fabriquer des médias comme ceux qu'on est en train de représenter aujourd'hui, même si c'est des médias de niche. Et il y a une place pour ces médias de niche. Je traite deux choses. La première, c'est que j'avais discuté un jour avec Philippe Morin, qui est le rédacteur en chef PLG, PPUR, qui était le fanzine de luxe de l'époque. Moi, ouais, il se rappelle de moi. La fois, il m'a sorti une de mes lettres. Je lui écrivais. Il manque le numéro 14, machin. La différence, parce que je sais que j'avais une jalousie avec un autre gars de chez PLG, qu'eux, ils n'ont pas osé franchir le pas. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le potentiel pour faire une vraie revue, entre guillemets. Et eux, ils étaient architectes. Enfin, je crois que les trois étaient architectes. Et du coup, ils avaient un côté, ouais, mais bon, on a un métier. Voilà, ils ont encouragé. Nous, je pense qu'on a eu le courage. Enfin, courage, on n'a pas fait la guerre. Mais enfin, on a eu le courage de dire on en fait notre métier, donc on s'est donné aussi les chances de le faire. Et je pense que le deuxième phénomène, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, même si les coûts de fabrication ils sont nettement moins chers qu'avant, et on peut faire un canard, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avec votre scan, avant, il fallait, moi j'ai fait des catalogues, il fallait faire des hectares, donc ça coûtait une fortune. Les hectares, il fallait les scanner sur des rotatives ou des choses comme ça. Et donc du coup ça coûtait extrêmement cher, quoi. Maintenant on peut quasiment faire un canard à la maison avec un scan, la maquette on peut avoir de la typo assez facilement. Enfin, il y a quand même aussi une, une facilité à la création qui est beaucoup été qui a pu être permis. Je prends PSG, c'était moitié, moi les premiers canards que j'ai faits, ils étaient moitié noir et blanc, moitié couleur, parce qu'on imprimait couleur d'un côté, on imprimait noir et blanc de l'autre. Et à un moment donné, le mec il m'a dit, mais pourquoi vous faites pas tout couleur? Je dis, ah ouais, mais c'est pour les questions économiques. Il dit, bah, c'est le même prix. Parce que maintenant, les films, c'était des films plastiques, c'est plus des tôles. Enfin bon, il y avait une économie énorme. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a lancé le premier DBD en 98, on pouvait presque le faire, alors que je pense qu'il avait coûté le même prix qu'un PLG 10 ans avant, parce qu'il devait scanner tout ça. Donc je pense qu'aussi ça a permis. Le fait que nous, on a envie d'en faire notre métier, qu'on ait osé, malgré que nos parents voulaient qu'on fasse notre métier. Et deuxièmement, ouais, un vrai job. Et deuxièmement, voilà, on avait aussi des coûts de fabrication qui faisaient qu'on pouvait le faire. Et puis du coup, on y allait. Parce que moi, c'est vrai que j'avais aucune notion. Je n'avais jamais fait une rotative. Je n'avais rien fait de tout ça. J'ai appris avec les graphistes qui je bossais. Mais par contre, c'est vrai qu'on pouvait le faire. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai. Frédéric, je sais à peu près où il travaille. Les autres, moins. Mais les cahiers de la BD, c'est 5 mètres carrés à Paris. Et on est dans le cinquième, dans le deuxième, et on est deux techniciens plus quelqu'un qui fait la maquette. Et ensuite, c'est que des pigistes extérieurs. J'ai pas d'imprimante. Voilà. Enfin, j'ai une imprimante A4 en noir et blanc, mais je m'en sers très peu. Et les coûts de fabrication ont considérablement baissé, c'est vrai. Même si on en parlait tout à l'heure avec Frédéric. On dépense en gros quand même 20 000 euros pour faire nos journaux, coup par coup, en fab, papier, impression. Alors j'ai envie de rebondir sur deux mots que vous avez prononcés. Il y a la notion de niche et puis la notion de passion. Parce que nous, en réfléchissant à cette séance, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui fait qu'ils font ça, quoi. Donc j'aimerais que vous reveniez sur la passion. Et puis, il y a une question qu'on s'était posée, c'est si c'est de la passion, est-ce que ce n'est que de la passion ou est-ce qu'il y a aussi une démarche plus rationalisée, type étude de marché ou pas, derrière? Quand vous réfléchissez à la notion de niche, c'est la notion de niche parce que vous l'avez flairée et vous dites tiens, il y a quelque chose à faire parce qu'en définitive, quand je regarde la concurrence, il n'y a pas spécialement de revues sur le dessin, par exemple, de manière assez générale, ou sur la bande dessinée en tant que telle, peut-être qu'il y a une niche sur une revue qui essaierait d'avoir un discours un peu semi-universitaire ou qui s'en rapproche un peu ou pas du tout, ça c'est ce dont on discutera, ou critique en tout cas avec un format un peu plus développé. Voilà. Moi ce que j'aimerais c'est que vous bondissiez là-dessus. Quoi. Comment vous avez fonctionné? Est-ce qu'il y a une démarche rationalisée, rationalisante? Non, je pense qu'à un moment donné, moi je sais que quand j'ai commencé à aller voir des agences de pub extérieur, on dit c'est quoi votre objectif? On sait rien, quoi. Enfin, comme on fait des trucs nouveaux, entre guillemets, bon, on nous fait un peu moins, parce que DBD, il y a eu Bodoc, Casemate, enfin, il y a d'autres journaux comme ça, donc c'est vrai qu'à un moment donné, on n'en sait rien, quoi. Parce que quelle est la niche? C'est vrai que si vous dites, tiens, on va faire une couverture Titeuf, il y a 2 millions de mecs ou 1 million de mecs qui lisent, donc même s'il y en a 10%, on n'en vend ni plus ni moins. Donc on est quand même dans un créneau de gens qui veulent écouter ce que disent des auteurs de BD, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y en a qui consomment de la bande dessinée sans vouloir savoir ce que pensent les gars. Donc je dirais qu'on est à 99,9% de la passion. Et puis aussi bizarre, c'est plus pareil. Oui, c'est vrai que c'est plutôt la notion de partage, d'aller voir les mecs. Enfin, moi, je sais que j'en allais à Lyon à Boulevard des Bulles, mais l'autre Métropolis. Comment ça s'appelle? Librairie qui existe à Lyon Métropolis. Eliette, là, enfin, il y a une librairie. Moi, c'est vrai que c'est en allant voir William Vance dédicacé devant mes yeux au Bandouin. Et là, tu te dis, ouais, c'est quand même génial, quoi. Le mec est en train de dessiner le personnage dont j'ai rêvé pendant. J'ai relu 300 000 fois son truc. Et donc, à un moment donné, vous rentrez dans l'intimité, vous commencez à discuter, et puis vous dites, tiens, c'est possible de faire des interviews potentiellement d'en vivre. Donc, après, la question, elle se pose même plus, quoi. Je crois que c'est un peu comme quelqu'un qui aime la musique. À un moment donné, il se dit pas, tiens, il y a 300 000 guitaristes sur scène, donc je vais essayer de trouver un truc. Bah, le mec, il a envie de faire de la guitare, il essaye de trouver une voie pour de sa passion. Et après, les études de marché, je crois que si on en faisait tous, on commencerait même pas, quoi. Moi, je sais que mon associé, je suis en train de me dire, bon, tu me fais un tableur pour voir si tu gagnes ou tu perds de l'argent. Je le fais 3 minutes, puis au 3 minutes, j'arrête. De toute façon, je pense que ça me désespérerait, ou je me dirais, ah, bah, tiens, pourquoi j'ai fait tel coup, pourquoi celle-là n'a pas marché, alors qu'elle était géniale. Je crois qu'on n'a aucune... Enfin, moi, je ne sais pas comment tu fonctionnes pour tes coups. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un visuel, il me paraît évident, je le fais. Après, on me dit, ouais, mais pourquoi tu as pris ce gars-là? Il n'est pas tendance ou ça. Donc, je ne suis pas du tout calculateur ça. J'aurais adoré peut-être plus, mais en tout cas, oui, ce n'est pas du tout ça. Enfin, l'étude de marché, je n'en ai jamais fait. Ah, bon. Il y a plusieurs choses dans ce que j'entends. Et j'ai quand même certains bémols à apporter. Moi, je ne suis pas du tout dans une approche de fan. Frédéric, vous avez compris, il aime bien rencontrer les auteurs, il aime bien... Hein. Moi, en fait, pas tellement. D'ailleurs, je ne fais pas beaucoup d'interviews. J'ai quelques amis auteurs, mais ce n'est pas vraiment mon truc. On est tous différents, et je ne dis pas qu'il y a une façon de voir qui est mieux que l'autre. En tout cas, c'est vrai que... Moi, j'aime les journaux. Bon, j'aime les livres, j'aime les journaux, j'aime la bande dessinée. Mais il y a aussi plein d'autres trucs que j'aime. Hein. J'aime beaucoup le rock, par exemple. Et j'ai été grand reporter pour des journaux où je faisais des enquêtes de société. Enfin, mais bon, rencontrer les auteurs ou avoir une démarche de fan, c'est pas la mienne. Franchement, quand j'ai pensé à reprendre donc le titre Les Cahiers de la BD, c'était pas du tout mon motif. Et même si je me suis jamais posé très précisément avec un tableur Excel, d'ailleurs, je sais pas les faire fonctionner, mais pour faire des comptes d'exploitation, je passe quand même mon temps à chaque parution, en fonction des ventes et des coûts, etc., dans ma tête, quand même de façon empirique à peser le pour et le contre. Mais il y a quand même beaucoup de réflexions, mais chemin faisant, quoi, je dirais, au fil des activités, à un moment donné, dans le développement de ces activités-là, justement, j'ai pensé que c'était pas une mauvaise idée de reprendre ce titre, parce que c'était un bon titre, Les Cahiers de la bande dessinée. Les Cahiers de la bande dessinée, c'est un meilleur titre que Les Cahiers de la BD, mais c'était trop long. Donc j'ai rappelé ça, Les Cahiers de la BD. Je prête une attention toute particulière aux couvertures. Avant de faire les Cahiers de la BD, moi je fais des journaux depuis que je suis tout petit. Hein. Quand j'étais enfant, je prenais des cahiers sur le foot, qui est un autre sujet que j'aime beaucoup. Et je refaisais des articles, je recollais les photos, etc. Donc moi, j'aime vraiment faire des journaux. À la limite, je préfère faire des journaux que la bande dessinée, on va dire. Mais la première démarche, c'était ce titre, que je trouvais vraiment un bon titre. Bon, j'ai passé quand même des années à faire des hors-séries pour Beaux-Arts Magazine, où j'étais journaliste, par ailleurs, et critique, en tant que rédacteur en chef, avant de passer le pas, de m'occuper de tout le bordel qui consiste à produire un journal. Et donc j'avais quand même en tête pas mal de réflexions qui me laissaient penser que cette expérience pouvait être vivable, profitable. Et là, bon, on rentrera sans doute dans le dur, mais je vais laisser parler mes autres amis. Mais si je ne fais pas de compte d'exploitation... je fais très très très attention à ce que je fais. Alors je vais apporter un bémol au bémol. Atome est constitué à 95% d'entretien et je ne crois pas, en tout cas en ce qui concerne le manga, que la démarche de l'entretien soit une démarche de fan. En tout cas pour le manga, c'est vraiment très très spécifique. On manque cruellement d'informations en français et assez paradoxalement aussi en japonais. Sur le manga, c'est très très difficile de recueillir la parole des mangaka. Et aujourd'hui, ce que fait Atome, mais je dis ça absolument sans aucune prétention, c'est d'une certaine façon sans précédent. Il y a eu des longs entretiens publiés dans des excellentes revues, comme Kaboom par exemple, mais la partie manga en fait dans Kaboom était une partie parfois minimale, même s'ils ont mis à certains moments des auteurs de manga en couverture. On va dire que c'était à peu près, selon les numéros, entre 15 à 25% en fait d'un magazine de Kaboom. Pardon. Concernant Atome, il y a... pas eu une étude de marché à proprement parler, mais il y a une budgétisation qui est très très particulière parce qu'en fait tous les magazines se font en direct du Japon. C'est-à-dire que la majorité des entretiens, 90% des entretiens dans un numéro, en fait, ont tous été réalisés sur place à Tokyo. Et pour ça, il faut pouvoir débloquer un budget, il faut pouvoir avoir aussi un interprète sur place ou qui m'accompagne. Et tout ça, ça coûte de l'argent, d'autant que c'est vrai que tout à l'heure, je parlais un petit peu pour ma pomme quand je disais que ça coûtait cher à faire, mais d'autant qu'il faut savoir qu'avec les Japonais, on paye parfois l'icono. Et s'il y a une couverture, par exemple, où on a dû effectivement payer l'éditeur japonais, alors les sommes sont variables. Parfois, il y a des planches, on arrive à négocier des prix assez bas, et parfois, il y a aussi des choses qui peuvent sembler absurdes pour nous, Européens, et encore plus Français, c'est qu'on nous demande de payer pour pouvoir rencontrer un auteur. Je l'ai déjà fait une fois, par exemple. C'est vraiment la condition sine qua non pour pouvoir le rencontrer. Et quand on veut absolument proposer un entretien en fait en français et long à nos lecteurs, on est obligé de passer par là. Donc, sans faire d'études de marché à proprement parler, il y a quand même la question du budget qui est extrêmement importante pour le magazine. Et d'un point de vue strictement éditorial, c'est vrai que la création de ce magazine a vraiment été motivée par cette absence en fait d'informations concernant le manga. Il y a eu quelques ouvrages faits sur le sujet qui sont plus ou moins bons. Il y a l'incontournable livre de Jean-Marie Bouissou sur le manga qui est considéré comme étant peut-être la somme d'informations sur la bande dessinée japonaise la plus nourrie. Mais globalement, c'est très très compliqué d'avoir les infos. Donc le seul moyen en fait d'en savoir plus sur des auteurs et donc d'en savoir plus sur une industrie qui peut sembler extrêmement opaque, et qui l'est d'ailleurs parfois, c'est vraiment de remonter à la source. Et remonter à la source, ça veut dire faire les interviews sur place, puisque quand vous faites une interview en fait, au Japon avec un auteur, vous la faites dans des conditions qui sont totalement différentes de celles que vous auriez eues en France. En fait. En France, vous bénéficiez de slots, c'est un créneau, d'interviews assez réduits, parce que les auteurs sont très très sollicités par tous les supports qui viennent. J'en parlais tout à l'heure avec Matt, quand vous avez un auteur assez important, ou même d'une notoriété plutôt moyenne qui arrive en France, en règle générale, c'est vrai que les attachés de presse le donnent plus volontiers en fait, à des quotidiens, puisque les tirages sont plus importants, l'exposition va être plus importante. Donc nous, en tant que spécialisés, on est un petit peu mis sur la touche, on va dire. Alors que quand on va en fait, au Japon, on peut bénéficier de conditions qui sont beaucoup plus intéressantes, avec des créneaux beaucoup plus longs. Et quand on cherche à proposer des entretiens fleuves, entre guillemets, c'est vraiment indispensable. D'autant qu'il y a toute une relation qui se crée avec les éditeurs japonais, une relation de confiance. Et cette relation-là, elle s'opère que s'ils voient votre visage, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré, vous ne pouvez pas en fait, obtenir des auteurs. Et les mangaka très célèbres au Japon sont des superstars, plus ou moins médiatiques, plus ou moins représentés. Et de fait, si vous voulez pouvoir en obtenir un et plusieurs, il faut que l'éditeur vous connaisse, qu'il vous connaisse physiquement, il faut qu'il vous ait rencontré, il faut avoir pu parler avec lui, manger avec lui, boire avec lui, c'est très important aussi. Et tout ça, en fait, ça se crée vraiment sur la durée, ce qui fait que ça a été très très compliqué en fait, au tout début, puisque quand on fait sortir une parution comme ça de la cuisse de Jupiter pour gagner la confiance des éditeurs japonais, c'est particulièrement à la fois stimulant et à la fois dur. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la conception du magazine, c'est peut-être un petit peu différent de ce que font en fait mes collègues. Voilà. On cherche de l'information, ça c'est sûr, nous tous. Ah oui, non, mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Je suis à contre-courant complètement par rapport à vous. D'abord parce que s'il fallait résumer, je suis rédac chef du magazine et pas du tout actionnaire. Je m'occupe pas du tout de la fabrication, je m'occupe pas du tout des coûts, je m'occupe pas du tout de l'argent, de combien ça coûte et tout. Il y a une répartition qui est très normalement. Il y a une répartition qui est très nette dans ces trucs-là. Et je suis plutôt un fan. Et pour le coup, je trouve ça compliqué de construire un magazine. Il y a plein de contraintes très bêtes qu'on n'imagine pas. Je trouve que c'est quelque chose qui manque de souplesse, puisqu'une fois que le fichier est parti à l'imprimeur, bah c'est parti. Hein, vous ne pouvez pas corriger votre petit post Facebook en cliquant sur le bouton modifier, ça ne marche pas. Donc je trouve que c'est un média qui, par rapport à ce que j'avais connu, est très lourd à mettre en place, a beaucoup de contraintes. Il faut que vos images correspondent à des normes techniques, il faut que le fichier que vous produisiez pour l'imprimeur corresponde à des normes techniques, il faut qu'on les fait corriger. Enfin, Comics Mag, nous, c'est pas notre taf, c'est tout, on est tous en amateur. Sur chaque numéro, il y a 20 relectures, quoi. Est-ce que vous aimez relire 20 fois un truc que vous avez écrit ? Est-ce que vous aimez passer des soirées entières avec des gens qui vous disent oh, « t'as fait ton truc qui n'était pas terrible ». Bref, du coup, c'est exactement l'inverse de toi. Ce n'est pas un kiff de fabriquer du magazine. En revanche, transmettre cette passion-là, parler de comics, avoir l'impression d'être utile à la cause, moi, c'est plutôt ce qui m'a motivé dans ce truc-là. Et pour conclure sur la blague de l'étude de marché, s'il avait fallu en faire une pour ça, on s'est complètement planté parce que on parle aux gens qui lisaient pas de comics en leur foulant, en leur essayant de leur refourguer un magazine gratuit. Je pense que c'est pas avec ça qu'on va faire bouillir l'eau des pâtes. Mais encore une fois, c'est pas mon vrai job, donc j'ai aucun risque. Au pire, je suis un autodidacte. J'ai appris à faire de la radio sur le tas et j'en fais. Les comics m'ont permis de faire de la vidéo YouTube, de la télé, de l'internet, un magazine, ce genre de choses. Ben voilà, jusqu'à présent, ça m'aura pas rendu ni riche ni célèbre, mais pendant les moments où j'ai fait ça, ça m'aura rendu heureux et un peu utile. Et aujourd'hui, c'est tout ce que je viens chercher dans les trucs sur les comics. Alors, il y a la revue, il y a vous, et puis il y a peut-être des lecteurs. Et on espère. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Mais je veux dire, le lecteur que vous avez dans la tête, peut-être d'abord. Avant le lecteur concret, parce que le lecteur concret pour l'aborder, ben, faudrait peut-être faire une autre étude pour savoir qui lit. Mais en amont de ça, c'était plutôt, enfin, la question qu'on se posait avec Henri, c'était vous visez quel public? Parce que en fonction de l'idée quand même qu'on se fait du public visé, ça a une influence sur le type de revue qu'on crée, sur la place de l'image, sur le type de texte qu'on a envie de publier, peut-être le niveau de langue du texte, etc. Donc voilà, c'est quoi pour vous le public que vous visez? C'est peut-être pas celui que vous avez, ça, c'est pas la question tout de suite, mais c'est vraiment le public que vous avez dans la tête. Et puis aussi cette incidence que ça a sur, parce qu'on a trois sur les quatre, on a trois revues qui ont un petit côté un peu, peut-être pas MOOC, mais qui tendent quand même vers un niveau, alors on parlait du prix tout à l'heure, mais de présentation, c'est soigné, c'est aéré, voilà, il y a une recherche quand même graphique dans la manière, et puis dans l'image que la page donne, en fait, dans la manière de construire vos magazines, même dans Comics Mag, si c'est un gratuit, il y a quand même un travail aussi. Donc, t'es obligé en fait de bosser ton visuel et oui, de faire un truc attractif et coloré, surtout quand tu fais, on produit du texte, mais tu parles d'image, donc on est obligé de rendre un truc un peu graphique et sympa à lire. Eh bien, tu as la parole. Il me semble. Du coup, oui, tu dois faire un truc catchy. On va essayer de parler d'image à des gens. L'histoire est hyper importante, mais ce que les gens retiennent, c'est rarement telle ligne de texte. C'est plutôt la narration, la fluidité, le dessin, les couleurs que tu as aimées, que tu n'as pas aimées. C'est ce genre de choses. Donc, tu es obligé de passer par une partie un peu catchy et graphique pour faire prendre. Nous, on a un gratuit. Il faut que les gens aient envie de le prendre, puisque notre système de distribution, il est en boutique spécialisée, en boutique BD, mais aussi dans les présentoirs au cinéma. Quand tu as le choix entre le magazine de UGC, que tu vas voir le dernier Avengers, il faut que tu aies aussi envie de prendre ce magazine-là, qui te fait croire qu'il parle du film Avengers, mais qui te parle des BD Avengers. Et puis, pour mes collègues, il faut le vendre, il faut que le magazine, on ait envie de le lire. Si je vous propose un truc qui est juste des pleines pages de texte, pas aéré, en bloc, avec des tout petits caractères, personne n'a envie d'acheter ça. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, ça, aujourd'hui on peut le faire. Oui. Que vous preniez cahier de la bande dessinée, Feu Gaillard, des premières versions. Moi je me rappelle, quand on est sorti le premier DBD, on avait un album cartonné et un petit brochet en plus, et les gens me disaient « Ah ouais, mais il y a vachement moins de choses à lire que dans les cahiers de la bande dessinée. » Moi je disais « On dit du mal avec la bande dessinée. » Et du coup, il disait qu'il y a vachement plus à lire avec la bande, parce que c'est vrai que c'était genre photocopie universitaire avec des dessins noir et blanc, il y en avait très peu, pour les raisons, je pense, de coût. Nous, on avait 100 pages, quasiment 60 pages de plus, quoi. Et les mecs étaient perçus. Alors je leur disais, attendez, bougez pas, on va faire le dossier principal qui était, je sais pas, Goscinny ou Tilleux, il y avait 20 pages, en gros. Nous, on en faisait 48. Mais tout le monde était persuadé, parce que c'était avec une maquette très rigide, qu'il y avait beaucoup plus de textes et plus de choses à lire. Donc je pense que nous, on peut se permettre de faire des maquettes comme ça, parce qu'on est avec des geeks maquettistes qui ont déjà aussi appris le métier, qui sont amateurs de dessin ou choses, donc qui ont envie d'améliorer aussi la chose. Je vois Atom, c'est très élégant. Enfin, je pense qu'on est aussi dans un stade où techniquement, un gars qui a un ordinateur peut le faire. Avant, vous aviez votre maquette, on la montait presque à la main, quoi. Et donc, on pouvait pas dire, tiens... Il fallait découper tes cases de BD pour les coller ouais, dans la maquette. Ouais, puis tiens, remonte-moi un petit peu le truc, bah tiens, on va faire ça, bah tiens, casse-moi le texte, ou je sais pas quoi. On pouvait pas le faire, quoi. Ou alors, il y avait des revues comme Reagan aux États-Unis qui faisaient ce qu'ils voulaient au niveau maquette. Reagan, tu connais pas ? C'est une revue qui était dans enfin, les années 80-90, où le mec, il détruisait tous les articles, quoi. Et au début, les journalistes se plaignaient en disant ah, mes articles, vous les avez détruits. Et le mec est devenu le plus grand maquettiste du monde. Il a fait le logo Nike et compagnie. Et à la fin, les journalistes voulaient qu'il détruise son article parce que du coup, les mecs le lisaient. Et c'était tout le premier qui a commencé à faire ça. Mais parce que les ordinateurs le permettaient. Avant, on avait. Enfin, non, t'as peut-être pas connu, mais on arrivait avec des espèces de machines comme ça, avec notre. Je sais pas, une revue, c'était trois fichiers énormes. On arrivait avec notre dossier, avec le mec qui utilisait ça. Maintenant, on arrive avec notre clé USB où on fait 8 transferts. Oui, transfert. Maintenant, on demande à un mec, là, quand j'ai fait des trucs, on l'appelle, ouais, au fait, t'as besoin de visuel, le mec, il te fait oui, transfert dans l'heure, t'as des images haute def qui arrivent, tu peux faire des pleines pages, enfin, tu peux tout faire. Avant, c'était, moi, je me souviens, j'étais sorti un jour de Hermann, j'avais 80 dessins originaux. On avait fait un bout de papier, comme ça, tiens, machin, et on est parti avec sous le bras, on est allé les scanner, on est retourné lui amener la semaine d'après, on les a pointés un par un. Voilà, c'était parce qu'on n'avait pas le choix, les éditeurs n'étaient pas équipés, les auteurs, ils scannaient pas, parce qu'à l'époque, ils filaient à Tintin, Tintin scannait, puis ils le rendaient, ou bon, des fois, ils ne le rendaient pas. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais du coup, voilà, donc on était quand même dans des états où ils n'étaient pas. Il y a aussi pareil, les gars vont dire, bah, j'ai vendu l'original, mais j'ai gardé un scan. Donc on a aussi une facilité de travail qui est beaucoup plus forte. Et donc, quelque part, entre ça, plus la possibilité de faire des maquettes, fait que autant faire un journal qui est beau et où on se fait plaisir. Et je sais que quand j'avais lancé Les Arts Dessinés, où on a essayé de faire une maquette qui est belle, j'avais été à la chance d'avoir fait Antoine Decaune l'émission, il me dit « Ah, vous faites un beau journal ?» Je dis « Bah, je sais pas, quitte à en faire un, déjà, on fait un beau. » Et c'était au moment où sortait... Faut être un peu fier de ton truc, quoi. Voilà, et puis sortait Hebdo à ce moment-là, qui était quand même un truc extrêmement moche, où tu dis « Comment on peut ?» Les gens de 21 et de 6 mois avaient fait des très belles maquettes, tout, sortent une espèce de truc mal imprimé, moche, couverture moche, logo moche. Tu dis, bah, quel est l'intérêt de faire ça, quoi. Aujourd'hui, c'est complètement incohérent de faire ça, t'en faire un truc beau. Bon, il se trouve que pour l'instant, j'existe encore et Hebdo pas, mais même si je leur souhaite pas malheur à l'époque, mais c'est vrai que c'était, j'arrivais pas à comprendre qu'on puisse sortir une revue de cette manière-là. Ou alors, on est un gratuit, qu'on fait de la grande distrib, mais quitte à faire une revue, je pense que 21 a marché, 6 mois a marché, parce que c'est une belle revue. Atome, moi, je l'achète pas tout le temps, je suis pas fan de manga. Mais quand je l'achète, j'ai plaisir à voir la maquette, c'est beau, c'est belle, pleine page, il y a une typo, il y a une recherche. Donc, on participe presque à un mouvement en disant tiens, c'est élégant, les gars ils font un effort, on perd pas notre argent. Je dirais presque comme dans un beau resto, il y a une belle présentation. Bah, à un moment donné, tu dis bon, bah, j'ai payé le service, il y a un mec qui arrive, il est bien habillé, il fait l'effort, il vous met la petite sauce par-dessus. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on est dans le même stade à des degrés différents. Bon, moi je suis plus fan que Vincent ou d'autres, mais moi c'est vrai qu'à un moment donné, faire un canard qui est pas beau, ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère rien faire, honnêtement. La question du lectorat ou de la cible, évidemment, c'est une question très importante et relativement complexe. Fausto l'a dit à demi-mot tout à l'heure, mais quand même, le but d'un journal, c'est d'apporter de l'information au lecteur. Bon, ça, c'est quand même la base. Alors, après, quel type de lecteur, lectrice, de quel âge, etc. Bon, je pense que, enfin, en tout cas, mon journal, il s'adresse à des gens qui aiment qu'on leur parle, vous disiez ça en introduction, sur la bande dessinée. C'est un journal sur la bande dessinée. C'est pas un journal de bande dessinée. Et à titre personnel, je l'ai entendu aussi, le journal qu'on veut lire, on entend souvent ça, hein, c'est vrai. Moi, j'aime les making-of de cinéma, j'aime qu'on me raconte comment tel disque a été produit, telle équipe de foot. J'aime bien le décryptage. J'aime les œuvres, mais j'aime aussi le décryptage. Les cahiers de la bande dessinée, plus qu'un journal d'analyse, c'est plutôt un journal de décryptage. Partant de là, on a un gros concurrent qui est l'Internet. Donc, L'Internet, moi, je... ou les applications, si on veut, moi, je suis abonné à des tas de journaux d'information que je lis sur mon iPhone. Il est impossible de mettre sur écran aujourd'hui, je pense, un journal comme les cahiers de la BD. Enfin, on peut. Il y a des gens qui ont essayé de le faire, d'ailleurs. Le distributeur Prestalis a lancé une structure qui s'appelait Zins, où on pouvait télécharger des PDF. Bon, c'est impossible. Si je lis Le Monde, par exemple, les articles déjà qui sont republiés sur l'application Le Monde, extraits de M, donc le magazine hebdomadaire du Monde. C'est long à lire, c'est compliqué. Peut-être un jour, on aura une encre sympathique. Bon. Mais il y a quand même quelque chose que, de toute façon, l'écran va avoir du mal à faire. C'est la structure du journal. Comment est-ce qu'il est organisé? Comment est-ce que s'agence l'iconographie, le texte, tout un tas de petites recettes de journalisme qui s'appellent des exergues, des intertitres, des chapeaux, des titres, des légendes, enfin bon. Sans doute que l'écran a une grosse plus-value, notamment parce qu'il peut représenter de l'image animée, etc. Mais bon, pour l'instant, tout le monde a essayé de le faire. Pour l'instant, même les grosses applis du monde où ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour nous faire lire le journal comme ça, à l'horizontale, enfin, c'est pour l'instant, la pertinence du papier est toujours là. Et elle est d'autant plus quand on parle de dessin, puisque la main du dessinateur qui dessine sur du papier, dans le cas d'une reproduction de dessin ou de bande dessinée, c'est pour ça aussi dans nos journaux, on reproduit pas mal de... Enfin, moi, je produis pas mal de bande dessinée et de dessin aussi, plus du texte, retrouve sa pertinence dans le papier imprimé. Bon, ensuite... Parenthèse par rapport à ça, c'est vrai que par rapport à des journaux de rock, par exemple, ou littéraires, on a quand même une chance inouïe d'avoir des visuels, quoi. Moi, je sais que... Je connais par exemple Gérard Manset qui refuse de faire des photos. Bah, du coup, les magazines disent bah, s'il n'y a pas de photos, on ne met rien. Parce que tu fais une interview de Manset, tu n'as pas de photos, tu fais quoi? Littéraire, c'est pareil. À un moment donné, vous faites une interview de Marc Lévy, parce que c'est pour lui qu'il vient, ou Houellebecq. Vous n'allez pas mettre des pages imprimées. Donc c'est vrai que, pour répondre à un complément de la question de tout à l'heure, que ce soit Atome. C'est Atome, hein, c'est ça ouais. Comics Mag. Non, comme je ne voyais pas le bout, je me disais peut-être oublié un truc. Et du coup, on a quand même le plaisir de se dire on a des visuels, quoi. Les gars, ils nous fournissent ça, donc quelque part, c'est Laurent de. Ça vaut aussi pour le livre de bande dessinée. Hein. Bon, sauf que le livre de bande dessinée, la seule structure qu'il a, c'est qu'on tourne une page après une autre et qu'on a une structure en double page. Bon, c'est les seules petites astuces, à part des bandes dessinées plus expérimentales qu'ils ont. Mais nous, on a quand même plein de choses à notre disposition. C'est un vrai métier de faire les journaux. Bon. Ensuite, si j'ai parlé des écrans, ma réflexion, elle a beaucoup tourné autour du fait que je souhaite que ce journal soit lu par le plus grand nombre de gens possible intéressés par ce type d'information et ce type de traitement. Et je le jugeais à peu près égal à 5000 personnes, en gros. Hein, après, bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'un type du marketing de chez Dargo m'avait dit un jour que les fans ou les gens qui sont intéressés par la bande dessinée, qui achètent toutes les bandes dessinées, ils sont 5000. Bon, ça tombe bien, c'est à peu près le chiffre que je m'étais dit. En fait, ils sont plus nombreux que ça. Et je pense que, ou nombreuses, et je pense que l'intérêt quand même d'un journal, vous l'avez dit, enfin, c'est de s'adresser à des lecteurs. Sans ça, on peut faire un fanzine comme faisait PLG, qu'on passait son temps à chercher parce qu'on ne le trouvait jamais. Mais quand on veut faire un journal avec une certaine forme d'économie et de tirage et d'ambition en termes de lectorat, moi, c'est comme ça que je suis parti. Après, il y a plein d'autres façons de partir pour faire un journal, sans doute. Mais en tout cas, il fallait toucher ces 5000 lecteurs. C'est-à-dire, en gros, avoir au moins 5000 ventes, au moins 10 pages de publicité, à un tarif à peu près médian, un système double de diffusion, librairie et presse. Ma publication a 2 codes-barres, ça vous intéresse si vous êtes féru de bibliothèque, je suppose. 2 niveaux de TVA, ouais, c'est un petit peu complexe, mais 2 codes-barres, hein, un ISBN, un ISSN. Et ensuite, la grande question qui touche à la ligne éditoriale pour le coup du journal. Si on ne veut pas concurrencer l'Internet, il faut bien structurer son journal, raconter une histoire avec des cahiers, des sections, des formats différents, pas seulement le format de l'interview, surtout pas trop le format de la critique, parce qu'on en trouve beaucoup sur Internet, critique de tel ou tel album. Donc, il y a un cahier critique dans les cahiers de la BD, parce que ça permet de séduire certains annonceurs, mais ce n'est pas le cœur du journal, loin de là. Donc on a des formats techniques, on a des formats muséographiques, on essaie quand même de varier les formats journalistiques. Et ensuite, le dernier point, il y en a sûrement d'autres, mais enfin c'est celui qui me vient, c'est de traiter plutôt d'actualités froides, non liées à l'actualité du moment. On surfe un petit peu sur l'actualité, mais enfin les articles peuvent paraître dans 3 mois, dans 6 mois, ça n'a aucune espèce d'importance, et on est entre le magazine et le livre, pour le coup. Hein, c'est-à-dire pas tout à fait un MOOC, je pense. America, c'est un vrai MOOC, par exemple. Là, on est plus dans une approche, à mon avis, dans la variété des contenus qui serait entre le magazine et le MOOC. Mais c'est-à-dire que tous les 3 mois, on va acheter un journal de 204 pages. Il ferait 100 pages, ça n'irait pas. Enfin, vous voyez que c'est quand même une forme de complexité. Il faut penser à peu près. Et bon, pour l'instant, je me suis pas trompé, en tout cas, sur cette analyse. Non, juste pour répondre par rapport au lectorat, en fait, à la ciblage du lectorat, j'y ai quand même pensé, puisque cette projection en fait, de rédacteur en chef créateur et aussi de premier lecteur. Et en ce qui concerne Atome, je pense que le premier lectorat, finalement, c'est celui qui a essuyé la première vague du manga en France dans les années 90, qui aujourd'hui est âgé entre 35 et 45 ans, et qui peut-être ne se retrouve pas en fait dans les propositions qui lui sont faites aujourd'hui dans la presse spécialisée. C'est en tout cas comme ça que je l'ai pensé. Alors après, le chiffrer, c'est assez compliqué. Je sais qu'il y a toujours un débat autour des lecteurs de manga concernant justement la tarification. Il y a aussi cette question de est-ce qu'un passionné de manga qui déjà a un panier d'à peu près 50 euros, 60 euros, 80 euros par mois a envie de rajouter 10 euros pour acheter un magazine qui lui parle de ce qu'il aime. Ça aussi, c'est une question assez importante. Mais je sais que dans notre réflexion, il y avait aussi une sorte de réflexe de réaction vis-à-vis de ce qui s'était fait et de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir et lire sur le manga dans la presse spécialisée, je vais parler très franchement, moi, me tombait à peu près à chaque fois des mains. Je trouvais ça vraiment très très moche. Je trouvais ça pas bien écrit. Par ailleurs, ça m'a posé beaucoup de problèmes de créer une équipe avec de bonnes plumes qui ont les compétences pour écrire sur le manga. C'est très très difficile en fait de trouver des gens qui ont cette spécialisation-là aujourd'hui en France. Et il y a eu quand même une vraie réaction, c'est-à-dire que il y a eu des choses qui ont totalement été proscrites dans la maquette, éviter les typos asiatisantes, éviter les espèces de pictogrammes japonisants, des drapeaux du soleil levant, plein de choses qu'on pouvait voir et qu'on voit parfois encore aujourd'hui dans la presse spécialisée manga. C'est quelque chose que je dérive un petit peu, mais que je fais aussi sur Mad Movies, qui est un magazine de cinéma spécialisé fantastique et qui proscrit aussi toute fanfreluche du type toile d'araignée, crâne, goutte de sang, enfin tout ce qui est esthétiquement en fait tire le débat vers le bas. Atome, l'idée, c'est justement d'avoir un emballage très très classique. Si je peux juste évoquer la création du logo, parce que ça me tient quand même assez à cœur. Le logo est très très simple. Il y a juste effectivement écrit en japonais Atome. C'est la seule petite afféterie qu'on s'est permise, histoire de. Et c'est vrai que le logo en fait, le logo a été créé par quelqu'un qui s'appelle Tom Kahn, qui en fait est quelqu'un qui fait des génériques pour le cinéma et qui avait réalisé notamment le générique pour Enter the Void de Gaspard Noé. Et moi en fait c'était un rêve que de travailler avec ce gars-là. Et il est basé en France et il a répondu positivement. Et dès le départ, il était question de faire quelque chose d'assez massif. Et qui ne soit pas justement trop connoté asiatisant, puisqu'on n'a absolument pas envie d'être dans une espèce d'estampillage un petit peu ethnique. Et par ailleurs, dans la façon aussi qu'on a de traiter en fait le manga, ou même la façon dont sont abordés les entretiens, l'idée c'est de faire un pas de côté par rapport à ça, et aussi de faire un pas de côté par rapport à tout ce qui est discours un peu fanboy régressif. Puisque je pense que le manga a trop subi ça, en fait, et qu'aujourd'hui, il faut lui apporter quelque chose d'autre. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas qu'on vendrait peut-être plus en étant moins luxueux ? Moi, c'est la question que je me pose tous les mois. C'est de me dire, est-ce qu'à un moment donné, avoir un canard à 14,95, beau, luxueux, et quelque part, un mec de BD, justement, qui achète déjà un côté luxueux de la BD, ou le mec qui met un manga, qui est habitué à payer, je ne sais pas, 7 euros, je ne sais pas combien c'est le prix moyen. Est-ce que quelque part, le fait, nous, on a voulu faire du luxe pour du plaisir perso, quelque part, justement, on perd aussi une clientèle qui va peut-être dire, bah, ce sera 3,50, j'achèterai, mais là, je ne sais pas combien tu vends, toi, de tourner. 9,90. Ouais, enfin, gros, 10 euros. Ce qui est considéré comme un prix énorme, en fait, pour les, pour voilà, les lecteurs de manga, qui n'achètent pas, en fait, de BD franco-belge, par exemple. Qui, le prix moyen d'un manga, c'est à peu près 7,90 euros. Ouais, ça, donc, quelque part, est-ce que tu ne te poses pas toutes les questions, enfin, tous les trimestres, toi, dire, tiens, et si je le vendais à 5 euros, est-ce que je vendrais plus? Après, c'est un autre modèle économique, mais. Je sais que moi, à chaque fois, c'est mon débat perso. Moi, est-ce que c'est aussi une question que je me pose, mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il faut trancher dans le sens du luxe, si je puis dire, puisque il n'y a que comme ça que le magazine peut exister, en tout cas sous cette forme-là. Si on baisse le prix, je pense que... alors, sauf s'il y a une abondance d'annonceurs qui débarquent, mais ça, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est totalement inconcevable, d'autant que sur un trimestriel, faire venir les annonceurs, c'est parfois assez compliqué. Et par ailleurs aussi, quand Atom est arrivé, la proposition était tellement singulière que ça a même interpellé les annonceurs dans le bon sens et aussi dans le mauvais. C'est-à-dire que pour eux, voir un magazine qui est un petit peu à contre-courant de ce qui se fait, qui justement pratique l'actualité froide, comme tu le disais, Vincent, c'est-à-dire que nous, on ne couvre pas sur... de la nouveauté à chaque fois. Alors quand on arrive à avoir un auteur hyper important et qui est mis en avant à un instant T, ben on saisit l'opportunité et on le fait. On l'avait fait par exemple l'année dernière avec Naoki Urasawa à Angoulême. Mais en tout cas, c'est pas une obsession, puisque de toute façon, le sommaire se construit de manière totalement empirique et parfois accidentelle selon les entretiens qui nous sont accordés. Mais aujourd'hui, la question du prix et de la cible et de la possibilité, en fait, de notre lectorat de l'acheter, elle se pose tout le temps. Mais je pense que, en tout cas, à un moment, on est obligé de prendre des positions de manière assez radicale. Et après, on voit si ça fonctionne sur la durée. Mais j'en reviens à la question de la valeur. C'est très important que ce qu'on apporte aux gens ait une valeur. Une interview de Urasawa, ça a une valeur. Ça aura une valeur dans 5 ans. Ça aura une valeur dans 10 ans. Ça. Donc, ça a de la valeur. Et je ne reviens pas sur Internet, mais c'est quand même une considération aussi importante. Il m'arrive de m'adresser à des gens, même encore plus jeunes, je pense, que vous. Bon. Peut-être pas, mais des gens de 20 ans, 22 ans, 23 ans n'achètent plus les journaux. N'achètent pas les journaux. Ils ont tout sur Internet. Donc, si je peux les passionner de façon à ce qu'ils achètent les cahiers de la bande dessinée, tant mieux. Mais ça sera 50 sur 5000. Les autres, malheureusement, et c'est quand même une considération qu'il faut avoir, en tout cas moi que j'ai eue pour penser la ligne éditoriale des cahiers de la bande dessinée, quand même des gens avec un peu de pouvoir d'achat. C'est-à-dire un peu, je dirais, plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est assez triste. Je pense qu'après, il y a plein d'autres médias, et peut-être que toi, tu auras une autre façon de faire. Mais c'est une considération qui est à prendre en compte quand on est diffusé en kiosque avec une valeur faciale, quoi. C'est vrai que moi, j'ai mon premier abonné mort. Mon mari est mort. Ça fait bizarre. Après, c'est vrai que non, par exemple, des BD, je suis à 8,90, j'ai tout de suite voulu une qualité pareille, dos carré collé, patati patata. C'est vrai que mon concurrent plus direct, c'est Casmat, il est à 6,90. Et je me rappelle un goût, je faisais une queue, je sais plus pourquoi, pour une dédicace, je sais pas quoi. Il y a un mec qui dit, ah, t'as vu le rédacteur en chef de Casman? Ah non, c'est des BD, moi, il est trop cher, je l'achète pas. Et donc, il y a quand même aussi cette réaction-là. Je pense qu'aussi, il y a des gens qui disent, bah, moi, payer plus de 6 euros, c'est déjà cher. Déjà 6,90, c'est de l'argent. Donc, c'est vrai que, on se pose la question de se dire, déjà, il y a moins de gens qui lisent, qui achètent des journaux, et en plus, dans l'absolu, on le met cher. Enfin, moi, je sais que c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Par rapport aux annonceurs, c'est important aussi. Hein. Les annonceurs vont plus volontiers vers un... Ils payent plus cher une page de publicité quand ils vont vers un journal de qualité que dans un gratuit. Une page de publicité dans le gratuit Zo, par exemple, ça peut se négocier parfois à 350 euros. Oui, sauf qu'il annonce 3000 en absolu. Ouais, bon, après, ça c'est une... Moi, personnellement, donc lui, normalement, devrait être leader. Enfin, je sais que ça, c'est un des débats que j'avais eu avec l'ancien rédacteur, enfin l'ancien directeur. C'est-à-dire, dans l'absolu, vous êtes censé en diffuser plus que nous, donc vous devriez être à 3-4 000 et nous à 2 000. Il se trouve qu'en effet, c'était plutôt l'inverse. Page de publicité, on peut savoir combien ou pas. Moi, je pratique une chose depuis toujours qui est pas souvent pratiquée, mais en fait, moi, je donne les vrais chiffres de tout parce que comme ça j'ai pas besoin de réfléchir. Et donc, le prix moyen d'une page de publicité dans les cahiers de la bande dessinée, c'est 1 500 euros Mais la dernière quatrième de couverture vendue à un mail publisher a été vendue à 2750 euros. Je vends autour de 8000 exemplaires, tout réseau confondu, librairie, kiosque, export librairie, export France. Il y a deux produits, hein. Abonnement. Voilà, c'est à peu près le prix. Mais je ne suis pas indépendant par rapport à l'annonceur, hein. Je dois moi aussi jouer un petit peu des coudes, les draguer. Au début, je vendais la publicité. Maintenant, il y a une régie qui prend une commission. Mais c'est un élément important, pour moi en tout cas, hein, parce que en gros, ça paye la fabrication. Hein. Donc, Oui, je suis sur les mêmes bases. Alors, ouais, j'ai les mêmes bases en gros. Après, c'est vrai qu'il y a. Bon, je pense qu'on l'évoque, mais c'est vrai que des fois. Parce que toi, tu mens. Non, je suis pareil. Hein. Je paye 4 3000 la dernière quatrième. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi des accords. Hein, je ne sais pas toi, on a toujours des éditeurs qui disent bon, on prend une pub, mais vous ne pouvez pas. Voilà, après, ça, c'est dans la deuxième. On va dire la plus complexité de la chose, c'est. Comment on va garder son indépendance complètement par rapport à un gars qui va vouloir essayer de nous vendre des trucs qu'on n'aime pas. Moi, j'ai plutôt eu de la chance hein, pour l'instant. C'est-à-dire, j'ai plutôt eu des éditeurs qui venaient me voir. Et puis, j'aimais bien la confrontation de dire, bon, bah, au départ, quand on arrive avec la pub, les gars disent, ah ouais, mais alors là, on a du budget pub, c'est on va dire, le Tardy, le Bilal, le Gueluc. Ouais, mais alors toi, tu es déjà spécialisé ou tu fais déjà une interview, donc de toute façon, on ne va pas prendre de pub. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu ce problème-là. Enfin, moi, souvent, je l'ai eu. Donc, on disait, bon, alors, on n'en aura jamais, quoi, en gros, donc on ne commence même pas. Donc, après, j'ai inversé. Je dis, bon, maintenant, vu que vous allez prendre là, donc on ne va plus faire Bilal, Gueluc et machin, est-ce qu'il y a dans votre catalogue, en même temps, des mecs qu'on n'aurait peut-être pas fait naturellement ? Donc, du coup, c'est vrai que ça nous a obligés à, quelque part, aller moins vers la facilité, entre guillemets, de l'interview de Bilal ou Gueluc, qu'on continue à faire, mais du coup, aller peut-être de défendre des bouquins qu'on aimait bien, qu'on n'aurait peut-être pas suivi, parce qu'on s'est dit, il faut avoir des noms sur la couverture. Donc, c'est vrai que, du coup, par exemple, Prune, c'était le cas. J'aurais peut-être jamais fait Prune. On a eu un accord avec Maguen qui a dit, bon voilà, bah, on fait ça, mais par contre, je prends une pub sur un autre truc. Donc du coup, j'ai fait Prune, qui était un gars que je voulais faire depuis longtemps. Et du coup, on a passé le cap de le faire en disant, on fait une couve, alors que j'aurais peut-être pas fait normalement. Donc je dirais que voilà, il y a le côté bon et pervers de la pub. Moi, j'essaie toujours de le tourner d'une manière assez efficace. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, Mel, quand je suis allé voir, ils m'ont dit, on prend pas de pub dans les journaux spécialisés, j'envoie une chez toi. Donc voilà, donc tu dis, bon, des fois, ils disent blanc à l'un à l'autre, peut-être t'as fait des accords, je sais pas ce que t'as fait, mais du coup, c'est vrai qu'il y a des fois où il y a la, bah, qu'il y a le problème d'un gratuit, ou que toi, je sais pas si à Tom, t'as les mêmes genres de deals, mais c'est vrai que souvent, voilà, on peut avoir ce genre de discussion qui peut être à la fois très pervers. Je pense que c'est le problème de Zo, qui lui est vraiment à dire, je suis gratuit, donc il va y avoir les éditeurs à dire, vous prenez pas de la pub, je parle pas de vos bouquins. Ouais, bon, on va dire je suis pas encore dans ce stade-là. On a eu les deux avec Comics Mag. Sur ma courte expérience, j'ai eu à la fois. Alors, on reviendra sur la place de l'annonceur, parce qu'en fait, quand vous payez le prix du magazine en kiosque, vous payez tout le monde, vous payez les gens qui ont fait le magazine, mais vous payez aussi bah, du coup la fabrication du magazine, la distribution, le libraire. En gros, c'est un tiers que vous touchez sur le prix de vente. Donc il y a beaucoup moins d'argent qui rentre dans une rédac que ce que vous donnez, et donc la place de l'éditeur elle est hyper importante, parce qu'en gros c'est les pubs qu'il y a dans le magazine qui payent la fabrication, l'impression et tout du magazine, et l'argent que vous mettez quand vous achetez le mag, elle sert à payer les gens qui font le mag. C'est pour ça que c'est plus intéressant, clin d'œil, de le prendre en abonnement, parce que même si on vous fait une réduction de 20%, bah, on encaisse 80% du prix du magazine et pas 33% du prix du magazine. Enfin, ça coûte cher les abonnements aussi, hein. Frédéric est très calé là-dessus. Mais... Moi, je fais tout à la main. Ah, y a une conf abonnement. Je passe quand même une journée et demie par semaine, quoi, entre les enregistrements, les paquets, aller à la poste. Enfin, ça te bouffe aussi du temps. Voilà. C'est bon, je le fais parce que j'aime ça, mais toi, t'as abandonné depuis longtemps. Mais c'est vrai que voilà, moi, je passe chaque semaine, j'envoie 300 paquets en gros. Et c'est des soirées à faire les enveloppes. On l'a vécu. Bah, c'est une soirée, ouais, c'est une matinée. Mais attends, on l'a vécu, frère. Tu fais t'envoies les cadeaux abonnement, mais c'est moi, pas je toi fais qui tout, non, puisque tu fais le routage. Ouais, je fais tout. Enfin, je fais pas le routage, le tout, parce que là, il y a quand même un mec qui met sous plastique. Mais à un moment donné, je le faisais. Ouais. Les débuts de DBD, pendant 10 ans, on faisait 3000 paquets par mois. Voilà, ça faisait une bonne ambiance, ça nous changeait d'idée. Et du coup, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je fais entre les cadeaux et les commandes, ouais, c'est moi qui fais. Du coup, on parlait vite fait de la place de la pub. C'est vrai que c'est un vrai truc hyper compliqué à gérer, puisqu'on a les deux cas. On va voir le cas de l'éditeur qui dit bah, « vous en parlez déjà, donc pourquoi je paierais ?» Et nous, ce qu'on a eu sur le numéro, on a fait un numéro 1 et puis des numéros spéciaux pour les salons qui étaient commandés par les salons. Et on avait, mais vous parlez pas de nous, donc pourquoi on paierait ? Donc soit vous en payez et c'est gratuit, soit vous en parlez pas, donc ils payent pas. Et donc à la fin, il faut trouver un argu pour faire venir les éditeurs. Et c'est pareil, les structures d'éditeurs, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui éditent les bouquins, qui les fabriquent, et qui, eux, ont un peu plus les mains dans la BD et que ça va intéresser. Et puis il y a les acheteurs de pub qui ne sont pas les mêmes, mais eux qui ont les mains dans l'argent, et à qui il va falloir faire ses preuves. Donc toute cette place de la gestion avec les publicitaires, et comment rentrer de la pub, et comment convaincre les gens chez les éditeurs qui vont être potentiellement à vous acheter de la pub, ça a été, ça a été le gros truc compliqué dans la fabrication du magazine. Ouais, plus dès qu'il y a un nouveau qui arrive, genre Bernière, ils disent « Ah ouais, mais alors là, tu vois, un peu d'argent, je t'ai donné avec toi, donc t'as aussi ce débat-là. » Et puis, il faut pas en avoir trop non plus. Enfin, si t'as trop de pages de pub, les gens vont gueuler, il y a que de la pub dans votre magazine. Je vous invite à ouvrir n'importe quel magazine féminin et à compter le nombre de pages de pub sur le nombre de pages qui sont publiées. Mais nous, en BD, on n'a pas le droit d'avoir trop de pubs. Ce qui est théoriquement illégal. Hein. Normalement, c'est 30% maximum. Mais je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas plus de pubs que ça dans Atom. Hein. Parce que les pour un magazine de skate... C'est parce qu'elles sont vendues très cher. Non, mais c'est... Une. Il a notre prix à nous pour 10. Non, mais ça dit, on a des annonceurs aussi qui sont différents des vôtres. On a des annonceurs du jeu vidéo, par exemple. On en a aussi un peu cinéma, animation. Voilà. Mais c'est vrai que l'avantage d'Atom sur ce terrain-là, c'est que la culture manga nous permet parfois d'être un peu plus périphérique dans la publicité, non pas dans l'édito. L'édito, on reste 100% manga. Il n'y a pas une seule ligne qui a été écrite sur le cinéma d'animation. Parfois, il y a eu des ponts de fait avec le cinéma live, mais c'est quand il y a eu des adaptations de manga au cinéma, mais c'est très très rare. Donc du coup, on a eu quand même des gros annonceurs de jeux vidéo du type Capcom, Konami, etc., qui sont des personnes qui achètent plutôt des quatrièmes de couverture à des prix plutôt élevés, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est la régie. Nous, on passe par une régie, donc c'est la régie qui s'occupe de gérer ça. C'est Mint, non ? C'est Mint, ouais. Mais tout ça pour dire qu'on a au moins cette chance, c'est d'avoir la possibilité de taper un petit peu à côté, même si, de manière générale, les annonceurs manga, en fait... communique plus volontiers sur le net. Il y a beaucoup d'achats d'habillage sur des sites du type Manga News, tout ça, etc. C'est pareil en bande dessinée aussi, Fausto. Ouais, voilà. Mais quand on ouvre les concurrents de type Animeland, par exemple, c'est vrai qu'on n'est pas non plus noyé sous le poids de la pub. Après, en tout cas, c'est très cloisonné chez nous, l'édito et la publicité. J'ai jamais eu à devoir rendre des comptes à un quelconque éditeur. Et puis... de mon côté, je suis assez libre, en fait. Si vous voulez bien, on va parler maintenant un petit peu du contenu et du rédactionnel. Je suis assez frappé de voir qu'en tant que rédacteurs en chef, vous tous, vous mettez largement la main à la pâte dans le rédactionnel. Je pense à Fausto, qui signe la plupart des interviews dans Atom. Dans Graphic Mag, c'est Frédéric Bosser qu'on voit très souvent. Il prend même les photos des gens qu'il interviewe. Il signe les photos. Voilà. Mais néanmoins, vous devez avoir une équipe éditoriale. Alors, comment se compose-t-elle et comment travaillez-vous avec cette équipe ? Je peux commencer, si tu veux bien. Comme j'ai dit précédemment, en fait, il y avait cette idée de créer un lien avec les éditeurs japonais. Donc ça, c'est très propre à Atom. Et je réalise la plupart des entretiens au Japon pour Atom, c'est vraiment pour ça. C'est pour créer cette espèce de relation indispensable afin d'obtenir des auteurs de plus en plus importants et afin surtout de faire le meilleur magazine possible avec des entretiens... parfois totalement inédit, c'est-à-dire des auteurs qui n'ont jamais été approchés par un média français, voire par un quelconque média. C'est quelque chose de très important. L'équipe, ça a été très très compliqué de la monter, comme je le disais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai simplement été frappé aux portes des gens que je lisais un peu à droite à gauche et dont j'appréciais la plume. Quelqu'un comme Marius Chapuis, par exemple, qui travaille pour Libération, en fait, je le lisais dans Libé, et je me suis dit, tiens, ce mec écrit bien, j'aime bien son point de vue, je trouve que voilà, sa plume est plutôt acérée, j'aimerais bien l'avoir avec moi pour l'aventure Atom. Il s'avérait que la rédaction de Libération... Il faisait culturel, déjà ? Ou il faisait généraliste ? Non, il était, lui, il faisait vraiment culturel, il faisait les pages bande dessinée. pas toutes, mais en tout cas, ils faisaient des chroniques bande dessinée. Et il s'avérait que maintenant, c'est plus le cas puisque Libé a déménagé, mais la rédaction de Libé n'était pas très loin de celle de Mad Movies et d'Atome, donc j'ai pu très facilement aller le voir. J'ai fait 5 minutes à pied pour aller le voir, donc ça a été très très très simple. Si, c'est d'après. C'est après, ouais. Et donc au début, il m'a un petit peu regardé avec des gros yeux, parce que quand je l'ai approché avec cette idée de trimestriel haut de gamme, entre guillemets, sur la culture manga, il m'a dit, mais ce truc-là, il n'y a aucune raison que ça puisse exister, en fait. Il n'y a aucune raison qu'il trouve sa place sur ce marché. Et donc j'ai été l'approcher, j'ai absolument rien à lui montrer, ni logo, ni chemin de fer, rien du tout. Et il me dit, bah écoute... ouais, moi je suis partant. Et puis quand les premières interviews se sont bookées, il a été lancé sur les bibliographies commentées. Et puis en fait, l'équipe est assez petite, il y a à peu près 4 ou 5 rédacteurs. Il y a des rédacteurs aussi parfois qui sont absolument pas en fait de la presse bande dessinée. Quelqu'un comme Stéphane Duménildo par exemple, c'est quelqu'un qui écrit au Cahier du cinéma et qui a une spécialisation sur le cinéma asiatique et sur le cinéma japonais entre autres. Et qui s'avère être aussi un lecteur de manga, donc je l'ai employé à quelques moments. Il y a eu aussi quelqu'un comme Yves Montmeilleur qui lui est un documentariste qui a fait plusieurs documentaires sur des artistes au Japon. Il y avait des profils comme ça qui étaient assez atypiques. Quelqu'un comme Xavier Gilbert aussi qui a écrit pour Du Neuf. Enfin, finalement, il n'y avait pas de journaliste spécialisé manga à proprement parler. Je ne voulais pas aller siphonner en fait, les journalistes des autres rédactions. C'était une volonté de se différencier, de trouver sa propre voix, de trouver son propre ton, et puis ouais, de proposer en fait, quelque chose qu'on ne puisse pas lire ailleurs. Alors, ça sonne un peu égotrip, hein, tout ça, hein, mais ça me semblait en fait totalement stupide d'aller prendre quelqu'un d'Animeland, quelqu'un de Coyote. Il y a des plumes qui sont valables, hein, la question ne se pose pas, mais j'avais pas envie de faire travailler ces gens puisque de toute façon ils travaillaient déjà ailleurs, et quitte à partir de rien et de créer tout, autant le faire avec de la matière première inédite, si je puis dire. Et c'est comme ça que s'est créée l'équipe édito d'Atome. Bon, moi, je me suis fait à peu près les mêmes réflexions que Fausto. J'ai pas dit que c'est ce que tu avais dit, hein, mais la question de bien écrire, c'est primordial, mais c'est pas non plus la seule question. Mais ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la difficulté de trouver des rédacteurs, je m'y suis confronté aussi. C'est compliqué parce qu'il y a une ligne à respecter, à mon sens, c'est d'être abordable tout en étant pointu. Et ça, c'est une grande difficulté. Vous parlez du contenu. Bon, moi, j'écris plus trop maintenant dans les cahiers de la BD. J'écris plus beaucoup, d'ailleurs, d'une façon générale. Mais je rédige quand même tout le journal dans sa conception et dans sa structure. Et ça, c'est très important. Parce que si un journal, c'est une accumulation d'articles, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut vraiment que dans son ensemble, il y ait on ait une histoire à raconter, on ait une structure forte, on ait des équilibres. Je suis sûr que tous mes collègues qui sont ici savent de quoi je parle. Mais ça, c'est un petit cocktail qu'il faut composer. Tous les 3 mois, c'était aussi une question importante. Parce que nous, on met 1 mois environ à penser le journal, 1 mois à commander les articles et les images, et 1 mois à le réaliser. En gros, quoi. Disons, on ne met pas 1 mois pour tout faire tout ça, mais ça se sépare plutôt en 3 temps. Mais cette ligne éditoriale, elle est compliquée à assumer, parce que très souvent, vous avez des gens qui vous disent « Ah, bah, vous n'êtes pas assez spécialisé, vous êtes trop grand public ». Et puis de l'autre côté du spectre, il y a les autres qui disent « Ah, mais c'est trop compliqué, j'arrive pas à lire et vous êtes trop pointu ». Donc il faut vraiment surfer sur cette vague-là pour éventuellement toucher un grand nombre de lecteurs. Mais moi, ce que je voulais surtout éviter, c'est le côté spécialiste de la spécialité. Ça, je trouve que pour un journal, quand on garde un entre-soi, pour moi, hein, après il peut y avoir des avis différents et puis... même des journaux différents, il y a des journaux très pointus qui sont très bien. On touche là aussi à une question qui est liée à la revue, hein, la différence entre la revue et le magazine. Mais Jean-François Bizot, qui a créé le journal actuel et Radio Nova, était justement dans cette optique-là. Je me suis beaucoup inspiré de lui parce que j'ai beaucoup lu Actuel quand j'étais adolescent dans les années 80. C'est-à-dire de savoir de quoi on parle, ça c'est incontournable, de ne pas faire d'erreur, il m'est arrivé d'en faire, d'essayer de ne pas faire d'erreur, en tout cas d'apporter des vraies informations recoupées, d'avoir des idées novatrices par rapport à des œuvres anciennes, par exemple, etc. Mais toujours conserver cette ligne où on est abordable, où on n'est pas dans une forme d'entre-soi, où on pense que tout le monde sait de quoi on parle, qu'on n'explique pas les choses. Ça, je trouve que c'est finalement une facilité, quoi. On est dans les revues, certaines revues, on a l'impression que les gens, ils sont comme ça entre eux, dans un savoir qu'ils partagent, et tout ça est très confortable. Il n'y a pas cet effort d'aller vers le lecteur, qui me semble en tout cas important quand on fait un journal. Ouais, pour rebondir par rapport à... je sais pas, j'ai eu assez de chance à rencontrer toujours les gens au bon moment, aux bons endroits. C'est vrai que là où j'ai fait plus de travail, c'était sur les arts dessinés. Après, moi, c'est vrai que je pense que j'ai une grosse capacité de travail et puis j'adore rencontrer les gens. Donc j'ai toujours un peu de mal à dispatcher, pour être honnête. Parce que je me dis, oh putain, lui, j'irai bien le voir, hein, je ne vais pas filer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc du coup, j'arrive à plus facilement à le faire avec ceux que j'ai jamais fait, donc, genre, ou j'ai trop fait, genre Zep ou Gueulux. Ouais, tu veux pas aller faire Gueulux ? Parce que c'est vrai que je les connais soit trop, soit je pense qu'il y a un autre angle. Et puis après, c'est une question de moyens, parce que déjà, payer des gens, bah, malheureusement, il faut pouvoir le faire. Souvent, on les paye déjà au lance-pierre, donc c'est pas toujours évident. D'efficacité, moi, c'est vrai que je suis des fois plus rapide à faire moi-même le canard que demander à des articles à d'autres qui arrivent. Ah ben, j'ai oublié, mais ouais, mais j'ai un autre métier. Bon, il y en a qui est spécialiste dans la grand-mère qui meurt. Et donc voilà, donc du coup, c'est vrai que des fois, j'ai plus rapidement fait. Moi, souvent, j'interviewe le gars le matin, l'après-midi, je les enregistre. Quand il m'a demandé de relire, le soir, il reçoit. Le lendemain matin, on maquette le lendemain, quasiment, on bosse comme un quotidien. Alors que des fois, je commande des articles. Je me rappelle, il y avait une fois un journaliste avec qui je bossais. Le temps qu'il me rende l'article, j'avais fini le journal, quoi. Il ne manquait plus que lui, quoi. Et en gros, c'était 3 semaines avant et j'avais fait les 100 pages qui restaient. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que je m'emmerde, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je préfère mal dormir, mais pour des questions de travail, non pas parce que j'attends les autres qui attendent. Mais après, c'est vrai que j'ai plutôt eu de la chance que ce soit un cahier de la bande dessinée, enfin, un cahier du coup, je vois ça, des arts dessinés où j'avais vraiment envie de faire travailler Jean-Claude Carrière, demander des poèmes à Jodo. Donc là, il y avait toute une catégorie de choses où en amont, je suis allé voir les grands anciens qui m'ont dit oh, vas-y, mon gars, c'est vachement bien ce que tu fais, et puis tu prends ce que tu veux ou on fait ce que tu veux. Et du coup, c'est vrai que c'est arrivé assez bien. Mais c'est vrai qu'après, à un moment donné, vous sentez que vous n'avez pas trop envie de les solliciter. Et puis après, il y a plein de gens qui arrivent j'ai tel article que je proposais. Et que vous les sollicitez parce que vous savez qu'ils sont bons dans tel domaine. Par exemple, Sislevitch, il y avait un gars qui voulait faire un livre sur lui. Là, par exemple, Quentin Bleck, que j'ai fait hier, il y avait un journaliste qui m'a appelé. Ah ouais, ton journal est super. Il y a un mec que je veux rencontrer dans ma vie, c'est lui. J'ai dit, ça tombe bien, j'y vais la semaine prochaine, tu prends ton billet de train. Et puis, il nous a fait l'interview hier. Donc, du coup, voilà, après, il y a des choses qui s'amalgament parce que je pense avoir un peu de chance par rapport à ça. Et du coup, j'ai jamais eu de mecs qui m'ont planté. Mais c'est vrai que souvent, je le fais tout seul, je suis plus efficace, pour être honnête. J'ai tendance à faire beaucoup de choses tout seul aussi parce que je sais ce que je veux lire. Avec Comics Mag, on parle à des gens qui n'y connaissent rien. Et donc, on ne peut pas parler de jargon. On ne peut pas utiliser d'expressions, de mots-clés et tout. Et du coup, on a dû mettre, par exemple, dans le magazine, à chaque fois, il y a un jargon. Il y a une page où on référence les mots compliqués du magazine, comme un truc qu'on lisait quand on était enfant, le mot compliqué. Mais du coup, les rédacteurs, on leur impose de justement pas faire d'entre-soi et de devoir donner beaucoup et expliquer les trucs sur des formats hyper courts parce qu'il faut que ce soit digeste et que ce soit pas chiant. Donc c'est une double contrainte. Et la chance que j'ai pu avoir, c'est que ce que je disais au début, si vous avez bien suivi, est-ce que vous avez bien suivi ? J'ai fait plein de trucs avant et j'ai fait plein de trucs sur le net avant. Et du coup, la communauté comics, elle est assez soudée, elle est assez organisée. Ça fait partie de tous ces trucs un peu culturels qui sont pas représentés dans les grands médias et donc ont dû apprendre à s'organiser. Par exemple, le reggae fonctionne hyper bien, ils ont pas besoin de médias généralistes, ils se sont organisés entre eux. Ils ont leur site, leur webzine, leur machin. Les comics, c'est pareil. Les mangas, ça a été pareil pendant un moment, jusqu'à ce que tu arrives, parce que tu as apporté une vraie valeur ajoutée avec les portraits d'auteurs et tout. Et je plaisante pas, je trouve ça hyper intéressant. La chance que j'ai eue, c'est qu'à partir du moment où j'ai lancé l'idée de Comics Mag, j'ai plein de gens qui spontanément voulaient écrire dans le magazine. Et du coup, comment ça se passe un magazine ? En fait, je décide un peu de la recette globalement de ce qu'on va publier dans le mag tout seul. Je soumets le sommaire aux gens. Les gens qui veulent faire les articles s'inscrivent, ils produisent des articles et moi je les corrige. Et donc tout ce qui est signé par moi dans Comics Mag, c'est ce que personne d'autre n'a voulu écrire. Du coup, je sais ce que je veux et si à un moment personne ne veut le produire, et il faut que je le fasse en fait. Et c'est pour ça que je produis une partie du contenu aussi. Mais c'est la partie la plus sympa finalement d'écrire et de parler de comics. Vous publiez également quelques bandes dessinées à l'intérieur même de vos revues. Est-ce que vous pouvez en parler. Frédéric, la... Pardon, l'immanquable, il n'y a que ça. Mais... Il l'a dit à demi-mot. Rock et folk, c'est compliqué d'écouter de la musique en tournant les pages du journal. Quoi. Pour le cinéma, on a des photos parfois ou des photos de plateau, des visuels intéressants. Pour la bande dessinée, ça me paraît quand même assez évident. C'est des respirations aussi dans le journal, parce que c'est plus facile de lire de la bande dessinée que de lire du texte illustré par des photographies, par exemple. Et puis parfois, ça confirme un propos qui a été développé auparavant. Donc nous, on essaye de faire au moins 4 ou 5 histoires de bande dessinée, donc dans les 204 pages, plutôt des histoires courtes ou des rééditions ou des traductions de matériel américain, voire japonais bientôt. Et donc ça, je trouve que ça apporte... On fait aussi des grandes doubles d'images, on essaie vraiment d'apporter quelque chose de visuel imprimé sur du papier intéressant. Voilà. Moi, à part la manquable qui est spécifique, puisque là, c'est de la prépublication, des BD, j'ai quasiment jamais fait ça, à part sur les hors-série, on avait fait un peu d'histoire. Et dans les arts dessinés, à la rigueur, non, je préfère faire un portfolio. Moi, je sais que j'ai... Il y avait deux sujets, que c'était les quatre saisons que tous les trimestres, je fais une commande, et les sept péchés capitaux. Après, c'est vrai qu'il y a un poème de Jodorowsky qui est illustré par Gérard Dubois. Il y a Queclin là, qui vient d'arriver avec des poèmes illustrés qu'il fait. Donc c'est vrai que je fais de mes respirations graphiques, mais pas... je vois pas l'intérêt, moi, de... Mais ça a une importance sur le format, par exemple. Le format des cahiers de la BD a été pensé pour pouvoir publier en réduction de la bande dessinée type format franco-belge en 4 bandes, par exemple, du manga dans le cadre d'une forme d'agrandissement ou du comics. Hein. C'est pour ça que c'est un format de 21x27. Il bosse le Bernier, il n'est pas n'importe quoi. Nous, on a beaucoup de grands visuels, beaucoup de doubles qui viennent un petit peu faire respirer le texte. Et on a fait une seule fois un extrait en prépublication, c'était cet été. Moi, je suis tout à fait ouvert à la prépublication, mais... c'est parfois assez compliqué en fait de négocier ça avec les éditeurs français et japonais. Enfin, il y a plein de strates en fait, plein de strates de négociations qui font que c'est assez compliqué. Puis t'as moins de formats d'histoire courte aussi. Il y a moins de formats d'histoire courte. Après, on peut toujours trouver, on va dire, un extrait qui fonctionne de manière assez indépendante. Les gens vont le retrouver ensuite dans un manga. Voilà. Après. C'est le grand problème de la presse bande dessinée des années 90. Hein. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Après, nous, on est juste confrontés à un problème qui est celui des copyrights et de la maniaquerie en fait des Japonais concernant les copyrights. En fait, il faut savoir que tout le magazine, je dérive un petit peu par rapport aux BD publiées ou prépubliées, mais ça me semble important aussi d'expliquer ce point qui est vraiment très très particulier par rapport au manga. En fait, tous nos articles sont validés au Japon, tous les visuels qu'on utilise. Ils sont choisis de manière totalement indépendante, mais la façon dont vous les mettez en page, ça passe entre les mains des éditeurs japonais, et ils ont leur mot à dire. Alors, dans le meilleur des cas, on ne va pas vous demander une traduction d'entretien en japonais, je précise, jamais en anglais, dans le meilleur des cas. Et dans le pire, on vous demande la totale, c'est-à-dire un regard sur la maquette, et aussi un regard sur le texte. Donc ça, c'est un coût, c'est-à-dire que quand vous payez un traducteur pour traduire l'entretien, vous sortez déjà votre premier billet, et ensuite, parfois, il faut sortir un second billet pour traduire l'entretien en français. Puisque, évidemment, en fait, ce que les éditeurs demandent à la traduction, c'est non pas la retranscription de l'entretien japonais, ils s'en fichent copieusement, puisqu'ils ont assisté à l'interview. Il faut savoir que les interviews ne sont jamais en tête-à-tête avec un auteur au Japon, c'est très très rare. La plupart du temps, vous avez 2, 3, 4, 5 personnes qui vous accompagnent. Donc voilà, tout ça demande, on va dire, beaucoup de patience et parfois un peu de budget aussi. Et pour en revenir au copyright, tous les visuels sont donc validés et approuvés par le Japon. Et ces temps de validation, quand vous devez envoyer chez l'imprimeur, parfois vous donnent des sueurs froides. C'est-à-dire que, par exemple, je vais citer l'exemple de Naoki Urasawa, qui est quelqu'un que tout le monde connaît ou presque. Il a demandé à ce qu'on lui traduise la veille du bouclage du magazine l'intégralité de l'entretien en japonais. Va sans dire que c'était totalement impossible. Donc là, il faut passer par... Ambassade du Japon. Pas loin, non. En fait, on va dire qu'il faut faire preuve de stratégie, de bienveillance. Enfin, en tout cas. Et qu'est-ce que tu risques si tu le fais sans son Je travaille plus avec toi. Alors voilà, le risque en fait, à partir du moment où on trahit en fait ce respect en fait, cette confiance, c'est qu'un éditeur te ferme définitivement les portes. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commets une erreur avec un éditeur au Japon. Avec un de ces auteurs, en fait, tu n'es pas blacklisté qu'auprès de cet auteur-là, tu es blacklisté auprès de tous les auteurs qui travaillent pour cet éditeur-là. Et les éditeurs sont très puissants au Japon. C'est donc extrêmement périlleux de se risquer à ne pas faire valider un article ou à ne pas répondre positivement à leurs demandes. Alors après, tout ça a l'air un peu cauchemardesque. Ça l'est parfois. Mais l'avantage qu'on a aussi avec les Japonais, c'est que si on établit dès le départ en fait la méthode, qu'on la respecte, il n'y a pas de problème en fait. Moi, j'avais beaucoup peur en fait au départ. J'ai parlé avec des gens qui faisaient de la presse manga et aussi avec des éditeurs, et tout le monde m'a dit faites très très attention. Parce qu'on va te demander des validations, parce que tu vas devoir envoyer l'intégralité du magazine et tu vas probablement parfois être complètement hors délai. Donc prépare-toi. Je m'y suis préparé, parfois pas suffisamment, parce que j'ai aussi été surpris par des demandes qui étaient assez ubuesques hein, par moment. Mais en tout cas, il faut tenir compte de ça. Et du coup, pour conclure sur la prépublication d'histoire ou la publication d'histoire, c'est quelque chose qui, dans le manga, est tout à fait faisable, mais qui est parfois un petit peu compliqué. Et pour le coup, dans un tome, on privilégie plus en fait, la voix des auteurs directement plutôt que les histoires publiées. Toi, par exemple, quand tu disais que tu as un auteur qui a demandé de l'argent, tu as hésité ou pas ? C'est vrai que nous, on va se poser la question. Oui, bien sûr. Plus ou moins 7 euros. J'ai hésité. Est-ce que c'est une porte ouverte après ? Il me dit, oh, bah, vous avez payé pour lui, pourquoi pas pour moi ? Regarde, après, tu rentres même dans des problèmes d'ego qui dit. Bien sûr. J'ai tout à fait. En fait, j'ai hésité pas très longtemps, puisque la somme était très négociable. Donc, si on m'avait donné un tarif totalement farfelu, je pense que j'aurais décliné immédiatement. Là, en l'occurrence, je l'ai accepté puisque c'était tout à fait convenable. Après, j'ai trouvé le procédé, comment dire, ça m'a pas plus choqué que ça, mais. Non, je parle pas de choquer, ouais. Parce que c'est un vrai débat. Moi, on est juste problème là avec Giroud. Attendez, tu dis, c'est vrai que tu fais une Paris Match, je sais pas qui va faire, Stéphane Bern revient sur son coming out, je sais pas quoi. Tu dis quelque part, tu vas vendre 100 000 exemplaires de plus. Donc le gars peut très bien te bien dire, sûr. Grâce à moi, vous allez vendre 100 000 exemplaires de plus, donc je veux un billet de 30 000. Bon, regarde, on est dans de la discussion basique. Après, dans le cas de la bande dessinée, c'est vrai qu'on était peut-être bien ou mal habitué. Je sais que toi, tu as eu des problèmes de reproduction à un moment donné, je crois que tu Non, pas bon, on va voir après. Et du coup, c'est vrai que tu dis, bon, c'est vrai qu'en effet, je vais avoir en une gueule, je vais peut-être vendre plus d'exemplaires que d'autres. Donc toi, à un moment donné, tu dis, j'ouvre une porte à quelqu'un, le gars d'après, il va te dire, voilà, pourquoi t'as donné de l'argent à Urasawa ? Enfin, je sais pas, je dis Urasawa, c'est peut-être pas lui. Hein. Et moi, Taniguchi. Il a rien demandé. Non, mais moi, Taniguchi, je suis aussi important que lui, et pourquoi j'aurais pas. Enfin, le débat, il existe, tu vois. C'était pas les, par rapport à eux, c'est plus que les conséquences que ça peut entraîner à côté. Ouais, bien sûr. Peut-être pour préciser un petit peu, parce qu'effectivement, je ne cite pas le nom de l'auteur, là, mais les auteurs qui souvent demandent de l'argent au Japon, en fait, sont des auteurs qui ont leur propre structure, qui ont leur propre agence, et qui ne dépendent plus, en fait, d'éditeurs. Donc souvent, en fait, ils demandent un cachet qui se répartit, j'imagine, en tout cas, entre les différentes personnes de l'agence. Mais ça reste globalement assez rare, même si c'est quelque chose qui est pratiqué au Japon, au-delà du manga. Je sais que c'est une problématique à laquelle j'avais été confronté concernant l'interview d'un acteur. Donc là, vous pouvez avoir un agent, puisque tout est extrêmement encadré, qui va demander 500, 600, 700, 800, 1000 euros. Voilà. C'est des sommes qui sont variables. Après, aujourd'hui, si on veut interviewer par exemple quelqu'un comme Go Nagai, le créateur de Goldorak, si on veut l'interviewer au Japon, il faut payer. Il faut payer. Et la somme, en tout cas, qui m'a été demandée, pour moi n'était pas acceptable. J'ai pas voulu la négocier et donc du coup c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Non mais du coup t'as pas de conséquences d'éditeurs qui disent puisque t'as payé un tel, non, en plus les Japonais ils sont un peu pas jaloux entre eux, mais enfin c'est un peu la concurrence. T'as pas eu peur de ça? Moi c'est vrai que le débat était là, c'est vrai que logiquement tu dis c'est vrai que l'auteur il passe du temps, bon des fois on paye une couverture souvent moins que il va peut-être corriger, donc il va passer une journée à faire. Donc quelque part, il dit, moi, pendant ce temps-là, je ne travaille pas. Quoi. Ce qui est pas... comme aujourd'hui, il y a le débat avec les salons de bande dessinée, où le gars, il vient dédicacer, il dit, mais bon, je vais vendre 40 bouquins, je vais gagner 50 euros, mais j'ai perdu 2 jours et demi de travail. Donc c'était plus la conséquence que ça peut entraîner. Pour le moment, il n'y a pas eu de conséquences. Après, les éditeurs français font aussi tampon et s'occupent aussi, heureusement, parfois, mais pas tout le temps, de jouer un peu les gilets pare-balles. Quoi. C'est-à-dire savoir se mettre au bon endroit pour éviter qu'il y ait des demandes un peu déplacées. Abracadabra, qu'est-ce, comme dirait Chirac. C'est important la notion du copyright hein, au sens large. Nous, il ne faut pas oublier qu'on est quand même des petites publications. Non, mais je crois que tu n'avais pas eu ce problème avec Beaux-Arts Magazine. Si, toi, mais c'est donné, pas, c'était sur des numéros, voilà. Hors série. Avec du matériel non lié à l'actualité. Et puis après, il y a des usages. C'est très complexe. Hein. Ça dépend de la culture, notamment, hein, puisque au Japon, la question aussi, enfin, si je me trompe, tu me le dis, mais ils ont parfois une attitude, enfin, vis-à-vis de l'extérieur, le japonais est traditionnellement très méfiant, rétif, parfois hautain. Enfin, je respecte hein, d'ailleurs, mais. Quand il m'est arrivé de travailler avec où la question des droits de reproduction, par exemple, de manga ou de comic book américain, parce qu'aux États-Unis, vous avez deux énormes structures qui s'appellent DC Comics et Marvel, qui rigolent pas du tout. Hein. Enfin, il y a Walt Disney aussi, donc ça fait trois. Mais moi, j'estime que je fais rien de mal. Ok. Non, mais je veux dire que si je fais des chaussettes ou des mugs avec Calvin et Hobbes ou avec Mickey Mouse ou Astro Boy. La chose est différente. Nous, on est quand même des revues ou des magazines d'études. Nous parlons des bandes dessinées. On illustre notre propos avec des extraits de bandes dessinées, mais enfin, tout le monde est content. Sauf si on porte atteinte à ce qu'on appelle le droit et l'image, qui est maintenant beaucoup galvaudé, ou qu'on est insultant, diffamant, etc. Mais dans le cadre d'une revue ou d'un magazine, je ne parle pas d'hors-série, c'est un petit peu différent. Leur série, je les fais payer maintenant. Mais dans le cadre d'un journal d'information sur un médium, pour moi, le coût iconographique devrait s'élever à 0 euro, en gros. Et d'ailleurs, c'est quasiment le cas. Mis à part Albert René, Hachette donc, pour Astérix, Moulinsart pour Tintin. Je crois que c'est tout, non ? Moi, je ne l'ai fait plus non plus, mais c'est vrai que non, mais du coup, c'est un vrai débat. Quand j'ai eu cette histoire avec Giraud, qui m'a dit, ouais, mais bon, il a passé du temps. Enfin bon, ce n'était pas amené directement. Je dis, bon, vous voulez de l'argent, vous voulez quoi ? Donc ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, tiens, est-ce qu'une se justifie ou plus ? Et du coup, tu viens demander, pourquoi je paierais lui et pas un autre ? C'est un peu plus mon côté communiste, peut-être. Je sais pas. Mais du coup, de te dire, tiens, pourquoi. Voilà. Donc c'est vrai que l'usage, en effet, on croise des stars, entre guillemets. Qui quelque part, je sais pas, quand tu vas voir Zep, bah, tu discutes 2 heures avec lui, dans l'absolu, il aurait peut-être le temps de faire un dessin qui vend 3000 euros. C'est pas qu'une question d'argent, Tardy refuse souvent les interviews et tout, parce que ça l'emmerde. Enfin, parce qu'il a trop parlé, lui c'est différent, parce qu'il est plus... Il dit, qu'est-ce que je vais te raconter encore, ouais. Bosser, ça fait des heures que je dis ça. Donc c'est vrai qu'après, il est plus dans un stade où il dit, j'ai raconté 200 fois Stalag 2B, j'ai rien à te dire. Ce qui est important aussi, c'est de créditer. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Après, les usages sont différents. Je crois que chez vous, chez Atom, si je me rappelle bien, chaque image doit être créditée par rapport à l'éditeur japonais. La traduction française, quand il y a une traduction française. Après, le risque qu'on prend, c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est que quelqu'un nous attaque. Alors, toi, tu as un risque un peu plus élevé parce qu'après, il peut y avoir de la rétention. Mais enfin, il faut vraiment prouver que ou tu as été irrespectueux, encore une fois, dans ton travail, ça ne me paraît pas être le cas. Ou que tu as utilisé le travail de quelqu'un d'autre pour véhiculer un autre type de commerce que la revue d'études. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tout est bien crédité, le risque pris, il y a des gens d'ailleurs qui ont pris ce type de risque, c'est le procès. Enfin, je veux dire, c'est avant d'aller là pour une petite vignette Il y a guère que Moulinsart qui peut le faire, et encore. Non, mais je sais que mon gars, moi, je voulais reproduire on est une case, on n'était pas le droit, ce qui est faire reproduire la planche complète. Enfin, c'était hyper. T'as commencé à dire tu ouais. Tu touches ou... au droit moral ou au droit limite. Ouais, non, mais c'est genre, citation. Oui, mais on n'a pas le droit de sortir une case. Ça n'existe pas, la citation graphique en France. Hein. Ouais. La citation littéraire existe, enfin, peut-être vous savez, mais il y a des usages, il faut que. Il y a une certaine proportion de textes qui soit respectée par rapport à l'ensemble de la publication. Le droit de citation graphique, on aimerait bien que ça existe. Il y a un spécialiste de bande dessinée, journaliste et théoricien qui s'appelle Yves Frémion, qui se bat beaucoup là-dessus. Il aimerait pouvoir le porter devant le Parlement à Bruxelles, notamment. L'usage, c'est la planche complète pourrait être payée. Bon, moi, je ne le fais pas dans le cadre des cahiers de la bande dessinée. Quand je publie de la bande dessinée en histoire complète, je paye la publication au même titre que je paye un article écrit par un rédacteur, parce que c'est du contenu rédactionnel. Mais sans ça, à partir du moment où l'intégrité de la planche est pas atteinte, si on veut, on peut considérer que c'est une certaine forme de citation. Les usages sont différents selon que vous traitez avec tel ou tel éditeur. Mais ça, c'est un sujet important dans le cadre de la revue, de ce qui nous occupe, ou du journal, parce que l'image, c'est quand même à peu près la moitié ou un tiers du contenu d'un journal. C'est vrai qu'on est tous revenus à plus faire de trucs sur RG pour être tranquille. Ouais, mais c'est plus trop le cas maintenant. Il faut juste payer cher. Ouais. Mais maintenant. Donc on ne fait plus. Moi, c'est vrai que j'ai eu le cas par exemple avec le Fitz Pellart. On a d'ailleurs produit des couvertures de disques. Donc voilà, il m'a attaqué là-dessus en me disant vous devez payer. C'était au téléphone d'ailleurs. Et moi, je dis vous n'avez quand même pas payé pour les couvertures de disques, donc vous n'avez pas fait la maquette. Bon, après, d'abord, il avait raison. Enfin, d'après lui. Ouais, c'est faux. Ouais, voilà, ouais. C'est faux. Bon, après, moi, je ne suis pas allé au procès. Là, il m'a appelé pour faire un article sur son père et j'ai envoyé chier. Là, c'était un petit plaisir personnel. Matt a peut-être un commentaire autour de la publication de bande dessinée. J'ai eu beaucoup de chance. Ce n'était pas une idée à moi au début. Je suis assez. Ouais. Problèmes de droit, vous avez des problèmes de droit, vous ? Oui, voilà, c'était. On pourrait, ouais. Ce que je disais aussi. D'accord. Du coup, pour les BD, c'était pas une idée à moi, parce que je suis assez sensibilisé au combat que mènent les auteurs pour leurs droits d'auteur, et je me sentais pas de faire travailler les auteurs pour fabriquer du contenu dans le magazine que j'aurais pas eu les moyens de payer de toute façon. Donc, salut à toi qui crève la dalle, tu veux bosser pour moi gratuitement ? Donc, je me sentais pas de le faire. Toutes les pages qui ont été publiées, les pages de BD dans Comics Max, sont des pages qui ont été proposées par les auteurs. C'est à l'initiative des auteurs. On a été démarchés par les auteurs pour publier ces trucs-là à l'intérieur. Et on en a beaucoup. J'ai de quoi faire au moins trois. Il y a quatre pages en général dans chaque magazine. Et j'ai de quoi faire au moins trois numéros en plus. Donc on a été beaucoup sollicités. C'est quelque chose qui les intéressait. Pour me protéger en termes de droits d'auteur, j'ai la chance d'avoir un intermédiaire qui sont les éditeurs français. Et du coup, toutes les images qui sont dans le magazine sont des images. En fait, on ne peut pas travailler, pour être synthétique, avec les images qu'on trouve sur Google Images. Parce qu'elles sont en 72 DPI et que vous devez être en 300 DPI. C'est la différence entre la qualité VHS et la qualité Blu-ray, pour être synthétique. Du coup, on doit avoir des images en haute définition pour faire de l'impression. Sinon, quand on imprime, c'est moche et c'est flou. Et du coup, toutes les images qui sont dans le magazine, eh ben, je les ai fait envoyer directement par les éditeurs français qui, eux, ont les droits. Et du coup, qui me file la petite ligne de texte copyright 2018 Marvel à mettre dessus. Et je garde les mails. Ce qui fait que s'il y a un problème, eh ben c'est machin qui m'a filé le truc avec l'autorisation de le faire. Du coup, moi, ma couverture, elle est là. Et si jamais le problème devait aller au procès ou quoi que ce soit, mon autre facilité, c'est qu'on a une structure associative. Donc, disparaître avec une association et donc plus avoir de structure légale et pas avoir de problème si jamais ça tourne mal, c'est aussi facile que disparaître pour un ninja quand il jette de la poudre par terre et qu'il disparaît. Donc il n'y a pas de précédent de toute façon. Il y en a très peu. Les éditeurs étrangers attaquent, enfin les Américains par exemple, quand il y a des possibilités de récupérer de l'argent. Or, chez nous, ouais, vous nous avez bien regardé, ça risque pas trop d'être le cas. Après, c'est ce qu'on disait au début du truc, toi, quitte à faire un magazine, je voulais que ce soit bien fait. Et donc, que ce soit un peu en règle, que ce soit un peu légal. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs sur le métier du livre, par exemple, en faisant ce truc-là. Donc, au moins, ça. Mais tu as raison sur un point, notamment, c'est la qualité des images. Et ça nous occupe aussi au premier chef. C'est pas tout à fait. 72 DPI, tu n'imprimes rien. Hein. Enfin, ah oui. T'imprimes un petit timbre-poste. Donc c'est très important d'attacher justement de l'importance à l'image via les éditeurs français ou via la numérisation. Moi, je numérise beaucoup, je grave beaucoup, c'est-à-dire je prends des livres imprimés et puis maintenant, il y a des procédés techniques qui permettent de faire des grandes images. Mais Et la plupart du temps aussi, on peut passer par les éditeurs français qui nous fournissent des fichiers. Ils sont très contents, eux, hein, fondamentalement, hein, qu'on parle de leur bande dessinée. Hein. Ils sont très contents. C'est pour ça aussi qu'ils fonctionnent aussi dans le domaine de la publicité. Enfin, tout ça est un écosystème qui est relativement petit. Moi, je ne connais pas bien les chiffres, etc. Mais c'est important pour tout l'écosystème d'avoir des revues, des journaux. C'est très vivifiant. Ça permet d'avoir des nouvelles approches que simplement... Non, et puis les éditeurs sont contents. C'est vrai, quand ils ont à vendre, entre guillemets, Gattardi, Gueuluc ou Scruten, ils n'ont qu'à mal. Après, c'est vrai qu'ils sont sur les auteurs ou, je ne sais pas, je veux dire, Clément Gorin... Ils reçoivent des revues de presse. Voilà, ou non, ou Anouk Ricard, c'est vrai qu'ils vont... J'ai rien contre, enfin, ce n'est pas une question de travail. C'est sûr, quand ils vont appeler Paris Match pour faire une interview, ils ne vont pas y arriver. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est... ils sont quand même plutôt contents de nous trouver. Donc, on n'a aucun intérêt d'aller l'un contre l'autre. Et puis, comme disait Vincent, c'est plus vous êtes riche, plus on vous attaque. Hein. Nous, on est voilà, les mecs qui vont nous attaquer. Moi, je me rappelle qu'on a fait le tout premier DBD, c'était Franquin. Alors, à l'époque, c'était Moyersoon, bon, qui avait les droits, qui n'était pas connu pour être l'homme le plus sympa de la Terre. C'est quand même le seul mec qui a gagné un procès contre Disney, je crois. Et du coup, on avait sorti le 1 en disant, bon, bah, comme ça, si on fait faillite, on arrête tout de suite. On avait négocié des trucs à Dupuis, ils avaient vaguement fait une lettre, parce que c'était aussi un peu en procès avec eux. On avait scanné toutes les images dans les spirous que j'avais, donc on les avait fait un peu crade exprès. Et en disant, bon, on n'est pas le bon matériel. Et du coup, il nous a appelé, quoi. Il a dit, ouais, nana, vous avez le droit. Et puis, bon, on était à dire, bon, bah, on a demandé à Dupuis, ah bon, bon, très bien. Et puis, il a raccroché. Et puis, on a dit, bon, bah, c'est bon, l'aventure peut continuer. Mais bon, on était prêts à s'arrêter tout de suite, quoi. Moi, je veux juste tempérer un truc par rapport aux éditeurs. Moi, les éditeurs, ça a été un problème dans la fabrication du mag. En l'occurrence, le magazine qui est affiché derrière vous, s'il n'est jamais sorti en papier et qu'il est sorti qu'en PDF, c'est parce qu'il était prêt 3 semaines et demie avant sa date limite d'envoi à l'impression. Et que sur les 4 images de couverture qui ont été retenues, je n'ai jamais pu l'avoir dans une version exploitable. Ni par Disney, ni qui est propriétaire de Marvel, donc ni par Marvel, ni par Panini, qui est l'éditeur en France. Et sur les couvertures qui m'ont été faites, je n'ai jamais pu avoir les fichiers HD, et je n'ai jamais eu d'alternative, de proposition d'alternative. À chaque fois que j'essayais de trouver une solution, c'était non, et c'était pas possible. Donc je suis très content que les éditeurs... travailler avec vous de façon joviale et tout, moi ça a été une tannée. Franchement, c'est normal, t'as un bisu, bah ouais, ouais. Tu chies, attends, chies. Mais j'ai payé pour tous les autres. Donc, non, c'est pas tout le temps jovial. Hein. C'est pas tout le temps jovial, mais c'est stratégique. Non, ouais. Mais je comprends. Mais à partir du moment où on leur demande, déjà, c'est un souci. Bah, moi, c'est vrai que j'ai eu un problème. Bon, c'est vrai qu'on rejoint un peu toi, c'est-à-dire que. Moi, je me suis beaucoup investi, quoi. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je dis ça, c'est très prétentieux, mais c'est vrai qu'Angoulême, avant, j'y allais, on dormait chez Habitant, patati patata. Maintenant, t'as pas une attachée de presse, bon, t'as pas une place pour un hôtel, donc j'anticipe au dernier moment. Et puis aussi, moi, comme je me suis occupé de tout, de la pub, des abonnés, des auteurs et tout, donc c'est vrai que je connais toute la chaîne. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai autant le portable de l'attachée de presse et du mec de la FAP, parce que j'allais le voir pour récupérer des visuels que j'avais pas, que le patron. Donc c'est vrai que du coup, ça a été tout de suite plus facile. C'est vrai que l'avantage, alors, l'inconvénient, c'est qu'on bosse peut-être plus que les autres. Bon, après, on s'éclate. Hein. Moi, je sais pas, toi, tu dois t'éclater à aller voir les mangakas. Et tu fais un petit voyage au Japon, tu vois tes potes et tout ça. Et du coup, c'est vrai que aussi on a un rapport où il y a une espèce de... Ouais, bon, allez, il a un peu trop passé la ligne, mais bon, on va lui pardonner, parce qu'en même temps, on est content que chaque année, il nous fasse 1000 pages de pages où il défend nos bouquins. Donc, il y a aussi un gentleman agreement qui existe. Donc, toi, peut-être, toi, t'arrives, à un moment donné, tu vas faire tes preuves, et donc, peut-être qu'ils sont moins... Toi, j'en ai fait 6 avant que ça capote, quand même. Ouais, donc, voilà, non, du coup, peut-être, t'as pas le... Ouais, après, je pense, c'est vrai qu'à un moment donné, le patron de Dargo, moi, quand j'ai un problème, je l'appelle, je lui dis, attends, il y a ça qui se passe, je suis pas content. Ouais. J'ai pas encore le 06 du patron de Marvel, je suis très, comme à la télé, c'est les mecs qui sont pas contents d'un article, mais du coup, c'est vrai que ça aide aussi quand on a un souci, que ça va pas, que les rapports sont pas bons. Qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on est un petit milieu aussi, enfin je pense qu'on connaît à peu près tout le monde. Moi, c'est vrai que j'ai en plus la chance d'avoir toutes les strates, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Eh bien, l'heure tourne, malheureusement, nous aurions encore quelques milliers de questions à poser, et on va laisser une chance au public de poser quelques questions. On a à peine 10 minutes avant que la bibliothèque ferme Manu Militari, donc je vais vous passer le micro. Si quelqu'un veut poser une question. T'as fait fuir la dame, là, visiblement. Bonne soirée. Ceux qui veulent louer des livres, c'est encore possible. Non, c'est plus possible. Pas de question ? Ah, une question. On a été soit très complet, soit extrêmement lourd. Oui, Concernant les revues de BD, je voulais savoir si ça vous coûtait plus cher de faire un journal de BD ou un journal tout simplement, un journal lambda, quoi. On n'a pas fait le journal lambda, non, on ne fait pas. Oui. Moi, j'ai fait. Le fait que l'iconographie soit relativement égale à zéro, son coût, c'est quand même un intérêt. Parce que d'habitude, dans les journaux, on paye les photographes. Dans les magazines d'art, on paye la DAGP. Ça, c'est quand même une facilité. Ouais, je confirme. C'est vrai qu'on a quand même... Je pense qu'on a le même travail que les autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas. On a l'avantage, je pense, ça ne va peut-être pas durer, que ce n'est pas encore hyper organisé en termes de. C'est vrai que maintenant, l'art, on est là, vous avez Picasso, par exemple, vous voulez faire une pleine page Picasso, vous avez le mec qui vous écrit avec les tarifs, machin, votre tirage. Alors, vous avez le droit d'un quart de page, mais vous n'avez pas d'enfant de plus que trois quarts de page. Enfin, là, moi qui fais avec les arts dessinés, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a plein de trucs que je ne fais pas pour être tranquille. Le prix du feuillet aussi n'est pas le même que vous travaillez dans le Figaro, pour Le Monde. Oui, enfin, les tirages ne sont pas les mêmes non plus. Non, mais c'est proportionnel au tirage. Quand tu vends 400 000 exemplaires, tu peux payer 150€ le feuillet. Nous, on n'est pas les moyens. Donc, ça, c'est différent. Mais je pense que c'est plus. On est plus encore dans le stade où on a des auteurs qui sont contents de nous rencontrer. Enfin, je pense que toi aussi. À un moment donné, on est quand même moi des gens. Ils sont contents de nous rencontrer. Non, mais tu en rencontres beaucoup d'Américains ouais. En salon, ouais. Ouais, pas pour le mag spécialement. Non, mais du coup, c'est plus compliqué. De la distance, ne serait-ce. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont quand même des gens qui ont été, entre guillemets, des parias pendant des années. Donc, ils sont plutôt à défendre. Moi, je vois que. Quand je fais un petit tirage au 7, j'appelle Zep et je me dis, je le tire, je vais chez lui, que ce soit du Titeuf ou je sais pas quoi, j'ai jamais eu Glénat qui m'a appelé, Zep m'a jamais rien demandé, son agent m'a rien demandé. En gros, les mecs sont, on sait très bien que vous n'êtes pas richissime. C'est encore un milieu où les choses se font de façon assez bon enfant. Ouais. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est quand même dans un stade où on est quand même, peut-être que moi j'arrêterai à cause de ça, quand ça deviendra trop organisé. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Quoi. On est vraiment avec des gens qui sont encore à vous dire ouais, bon, bah, vas-y, je fais. Moi, je me rappelle avoir discuté avec Zep. À un moment, quand je lui fais ses coups, je lui dis mais Fred, comment tu veux que je te demande? Je crois que je vais pas te demander 300€. Donc, je te le fais parce que j'ai envie de promotionner mon bouquin. Il me fait un dessin inédit. Alors que c'est vrai que je pense qu'on serait dans d'autres domaines, ce serait totalement incohérent. Moi, je vais juste bémoler deux petites secondes avant votre question. Encore c'est... Voilà. Non, en fait. Ça coûterait bien moins cher si on faisait un magazine de manga classique, avec moins d'entretien, beaucoup moins d'entretien même, et avec un cahier critique bien plus développé. Puisque, comme a été Animaland, par exemple. Voilà, par exemple. Et si on faisait uniquement les mecs en salon, les mangakas, hein, pardon pour ce langage un peu châtié, hein, ce serait... Ça se dit comment en japonais, mec? Enfin, en tout cas, on ramènerait du matériel bien moins intéressant. Mais voilà, il y a deux postes clés. Il y a le poste de la traduction qui coûte de l'argent. Donc, traduction interprétariat et puis traduction ensuite des papiers. Des voyages, là, évidemment. Et il y a effectivement un voyage tous les trois mois, puisqu'il y a quatre numéros dans l'année, donc quatre voyages, donc un voyage tous les trimestres. Un voyage, c'est un billet d'avion, c'est se loger, c'est se déplacer dans Tokyo où les transports en commun sont très chers. Donc, effectivement, ça coûterait vraiment bien moins s'il n'y avait pas tout ça. Voilà. Bonjour. Alors, personnellement, je lis des BD et les cahiers de la BD, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait aussi un de vos lecteurs qui était à la retraite, qui était mort il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est assez marrant de te dire, tiens. Mais alors, quel est le lectorat que vous visez et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un lectorat comme ça très... très différent en termes d'âge, mais aussi en termes de. Après, c'est le but, hein, on peut pas non plus. C'est vrai qu'après, comme disait Vincent tout à l'heure, les jeunes sont moins achetés des revues parce que c'est pas dans leur habitude. Enfin, c'est moins dans leur habitude. Mais c'est vrai que voilà, moi, qu'en plus, je m'occupe des abonnements, donc du coup, je suis à fond. Je connais presque les mecs par leur prénom. Et quand je les croise, et du coup, au moins la vie, je dis, ah, vous êtes de Cholet, vous. Ça les étonne toujours. Et ils sont pas tous de Cholet. Et du coup, c'est vrai que il y a différents types de gens. Il y a en effet les vieux de la vieille qui ont lu Vécu, Circus, qui s'abonnent et ce qu'à la mort, et peut-être que je ferai comme moi. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, qui découvrent. Il y a des bibliothèques. Donc après, on n'a pas de lectorat. Je pense qu'après, moi j'ai été surpris, comme tu dis, on est après les 5000 lecteurs, c'est à peu près tout le monde. Hein. Je crois qu'en France, il y avait des sondages qui disaient combien les vrais gens qui s'intéressent à la culture en France, c'est entre 5 et 10 000, mais vraiment de manière pointue. Donc c'est vrai qu'après, on essaye d'être le plus large possible, mais après, on est conscient que on va intéresser des gens, un, qui ont envie de connaître ce que dit l'auteur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui lisent des bandes dessinées, La vie d'HD ou Jules ou Satouf, ils n'en ont rien à faire ou ils s'en foutent. Ils lisent les BD, point. Et même on leur donne, ils s'en foutent aussi. Et donc voilà, donc, on intéresse des gens qui ont envie d'en savoir plus, qui sont intéressés, qui ont envie d'avoir un objet, qui ont la démarche de dire on défend de la, entre guillemets, encore la presse et le papier. Et par contre, on se bat avec, en effet, de moins en moins de causes, depuis des problèmes de distribution. C'est vrai que c'est le nez de la guerre, on n'en a pas parlé, mais c'est savoir combien t'en mets à chaque endroit pour que les gens le trouvent. Il y a 18 000 postes, nous on tire en moyenne entre 10 et 12 000, donc évidemment on peut pas partout. Les endroits où t'en mets 3-4 parce qu'il y a plus de passages. Après, il y a des endroits où tu en as vendu 3 le mois d'avant, tu dis ah super, en fin de compte, c'est juste des mecs qui étaient de passage à cet endroit-là et qui vont repasser la fois d'après, ils sont dans une autre ville. Donc c'est la plus grande complexité, elle est là, quoi. C'est d'arriver à trouver ton bon réglage pour pas te foutre en l'air. Moi, c'est vrai que le lancement des arts dessinés était un coup parce qu'on en a mis beaucoup plus que prévu et pour voir où ça allait. Comme c'est un nouveau produit, on ne savait pas si on le mettait dans, on essayait de le mettre dans les arts, pas dans la bande dessinée. En même temps, donc ça, toute la complexité, elle est là. Et après, le lectorat, à part ceux que tu croises qui viennent te voir, soit pour, en général pour te dire du bien, parce qu'autrement, ils ne viennent pas te voir, ou ils disent que tu es trop pointu, on n'en sait rien, quoi. Je crois qu'on est un peu... Je sais que j'ai fait une conférence avec Tom Ingerer qui vous expliquait qu'en Allemagne, c'était Philosophy Magazine avec qui ils travaillent, il y a énormément de lecteurs qui répondent. Moi, c'est vrai que je suis toujours surpris dans Casemate où ils font des mecs qui écrivent. Moi, il n'y a personne qui m'écrit. Je pourrais écrire des fausses lettres. Genre, je ne sais pas peut-être ce qu'ils font, mais toi, tu as des gars qui t'écrivent. Ouais, ah ouais, d'accord. Bon, pas moi. On a des retours. Non, mais il n'y a pas de quoi faire 4 pages, quoi, tu vois. Non, mais moi, pour répondre à ta question, moi, je suis aussi ravi de convaincre un vieux spécialiste qui a tout lu et qui trouve quand même de l'intérêt dans mon journal qu'un jeune homme, peut-être que toi aussi tu es très pointu, mais en tout cas si à ton âge tu lis des BD et les cahiers de la BD et que tu veux faire carrière dans la bande dessinée, t'es bien parti en tout cas. Merci, nous devons conclure. Eh bien, merci à nos invités, merci au public. Il faudrait faire une deuxième session pour pouvoir poursuivre. Le train est pas loin donc ça va. Merci à nos invités.